Bonsoir. Bonsoir. Mettons nous à genoux, on va prier. Prier principalement pour le Gabon. Vous êtes les bienvenus. Mm-hmm. Souvenez-vous, quand vous priez pour les uns, il y a les autres qui prient pour vous. C'est ça, n'est-ce pas? Donc mettons nous à genoux, prions. Nous allons prier pour le Gabon. Lorsque le Seigneur était dans la barque, alors que les tourbillons et Satan essayaient de vociférer son écume sur les disciples et les apôtres qui étaient dans le bateau avec le Seigneur Jésus-Christ, quand il s'est levé, il a dit silence. Prions que le Seigneur déclare son silence sur le Gabon. D'accord, frères et sœurs? Prions. Père, c'est toi, ô Dieu de gloire, qui suscite de l'Orient, de l'aigle, ô Dieu de gloire, qui fonde jusqu'en Occident. C'est toi, ô Dieu de gloire, qui produit en nous et le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Tout sous la terre, ô Dieu de gloire, sur la terre, dans les cieux, crie à toi. Tous tournent leur regard vers toi, même de façon inconsciente, Seigneur, afin de demander des choses de toi. Mais très souvent, les gens ne veulent pas de toi, alors que tu veux que ta personne leur soit révélée. Ainsi, Père de gloire, les nations cherchent des voies détournées, des voies corrompues, et se trouvent dans la boue, dans les eaux boueuses de la prostituée. Ils se trouvent ainsi noyés, ne sachant pas discerner le bien du mal, ni la gauche de la droite. Mais ô combien importante ta miséricorde, ô combien important, ô Dieu de gloire, ô combien est grande ta grande compassion pour les hommes. C'est pour cela, ô Dieu de gloire, en vertu de cette compassion, de cette miséricorde, que moi et ce peuple, si nous nous prosternons devant de toi, Père, pour demander ta miséricorde sur le peuple gabonais, afin que toi, tu déclares, ô Dieu de gloire, silence. Que tu déclares ton grand silence, ô Dieu de gloire, afin d'amener la calme, car c'est toi qui dispose le cœur de tout cela, Dieu de gloire, de ce pays. Je prie au Père de gloire que tu fortifies tes enfants qui se trouvent dans ce pays, qui intercèdent et ceux même hors de ce pays que tu aimes. Alors, ô Dieu de gloire, que les cris dans les forêts, les cris dans les cours d'eau, ô Dieu de gloire, sont parvenus jusqu'à tes oreilles sur les sacrifices qui s'y font. Mais tu es le Dieu qui venge le sang innocent, tu es également le Dieu des miséricordes. Je prie que ta miséricorde parle plus que l'accusation dans ce pays. Et que tu cries silence au vindicatif. Que tu cries silence à l'ennemi qui prône et qui plône sur ce pays. Je prie au Père de gloire que tu amènes le silence dans ce pays. Que tu parles au cœur, que tu diriges le cœur vers toi. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous croyons que le Seigneur nous a exaucés parce que nos prières lui sont agréables. Amen. Cameroun, Cameroun, Cameroun, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Cameroun, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, prions pour les chrétiens qui passent par les souffrances dans le monde entier. Prions que Dieu leur accorde la grâce de tenir ferme jusqu'à la fin de leur épreuve. Prions. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je sais combien ils souffrent. Mais ô Père, je ne peux pas compatir jusqu'à ton trône, exactement comme toi que tu peux le faire, car toi seul tu connais le cœur des hommes. Seigneur, tu as dit que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier. C'est en vertu de cela, ô Dieu, que je viens avec mes frères ici pour prier pour toutes ces sœurs, ces frères, et particulièrement ceux-là du pays arabe. Tu sais combien, ô Dieu, important ils sont dans mon cœur, combien je les aime, les chrétiens qui se trouvent dans le monde arabe. Et particulièrement ceux du monde arabe qui se convertissent en toi. Tu sais combien je les aime et combien je prie pour eux. Je prie au Père de gloire pour tous ceux qui passent par des persécutions, qui se trouvent dans des cellules, qui se trouvent, au Dieu de gloire, maltraités, opprimés à cause de toi, à cause de ton nom, à cause de ton grand amour. Je prie, Dieu du ciel et de la terre, que toi-même tu les visites. Je prie, Père de gloire, que tu manifestes ta puissance dans leur vie, que tu diriges leur cœur, que tu diriges leur cœur vers la patience de Christ. Que tu lui donnes de tenir ferme dans les épreuves, Père, et de te faire confiance entièrement. Car tu es un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Seigneur, viens à leur secours, Père, et donne la force de tenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. En journée, je tente de regarder une tension qui va naître. Mais ça, c'est pas dans notre pays ici. Je tente de regarder, c'est l'eau. C'est comme si c'est le feu. Je vais voir au clair. C'est comme ça, c'est une tension internationale, mais ça se trouve dans les eaux. C'est comme si c'est les eaux internationales. Mais il y a le feu là-bas. Comment le feu peut être mélangé avec l'eau? C'est soulevé comme ça. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc l'eau mélangée avec le feu. Mais ça, c'est dans les eaux. Il dit, si, c'est les eaux. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas dans quel pays, dans quelle zone de l'eau. Je vais regarder avec le Seigneur pour savoir quoi les questions justement. Parce que l'image est venue là tout simplement. La vision est venue. Là, j'ai vu l'eau mélangée avec le feu. Mais ça, c'est dans les grandes eaux. Vous savez, les grandes eaux là. Et ça, ça va créer des tensions entre les pays. Et au point où même les gens des Occidentaux vont mettre les mains, la bouche là-dedans. Donc, on va prier pour cela. Mais j'ai regardé également. Ah, c'est le pays ici. Le pays ici. Que Dieu bénisse. Levons-nous. Levons-nous. Levons-nous. Que Dieu bénisse. Voilà, comment vous allez? Ça va bien, mon frère? Si vous le voulez bien, on nage dans la parole encore aujourd'hui. Comme ça, elle nous sanctifie, nous dirige. C'est ça ou c'est pas ça? Où est ta Bible? Ça vous va, madame? Oui, ça va, ne t'inquiète pas, tu vas lire la Bible avec ta grande soeur là-bas. Vous avez le téléphone éteint, on peut commencer avec le travail. Je vous pose une question d'abord, d'entrée avant qu'on commence. Pensez-vous que l'être humain sur la terre, depuis qu'on existe ici, nous savons combien de choses existent sur la terre? Il dit sur la terre, ne touche pas l'univers ni dans les cieux. Il dit à côté de nous, qui est à notre proximité. Pensez-vous que nous savons exactement tout ce qui se trouve jusqu'à maintenant? Mais malgré notre avancée technologique, vous pensez qu'on connaît déjà tout? Vous pensez qu'on pourra connaître un jour exactement tout ce qu'il y a sur la terre? Sur la terre? Mais c'est vrai, on dit qu'on a des problèmes, n'est pas vrai? Si on ne parvient pas, si on ne pourra pas connaître ici sur la terre tout ce qui s'y trouve, ça veut dire qu'on a des problèmes, parce que la terre n'est qu'une petite fine partie d'un immense univers, pas vrai? L'univers est immense et ce qui est à proximité de nous, on ne maîtrise encore rien là dedans on ne peut pas connaître entièrement. Que dit donc de la grandeur de la personne qui l'a fait? Que dit? Ouais, jusqu'à maintenant, il y a des découvertes qui se font. On dit qu'il y a de telles races, telles espèces de poissons qu'on vient de découvrir. Alors que le poisson ne vient pas d'arriver, c'était toujours là dans l'eau. Tel style d'animaux, on regarde tel style d'animaux, tel style d'oiseaux, on vient de découvrir ce style d'oiseaux. Pas qu'ils viennent d'arriver, ils étaient toujours là. Vous voyez cela? Donc vous êtes les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous permettez, on prend la Bible, on commence à aller. À moins que vous ayez des questions, si vous avez des questions à poser, vous posez. Quoique quelqu'un m'avait donné un jour, c'est ici, non. C'est ici qu'on m'a donné le papier. Pour les questions. Non, c'est pas ici. Donc, nous allons lire. Et voir où on va commencer, si le Seigneur nous donne un sujet ce soir. Bon, si nous commençons là, nous avons assez de temps et le climat est bon pour prêcher. Donc, on peut assez lire les Écritures, pas vrai? Ok, donc, commençons donc Proverbe. Merci, Père. Commençons dans le livre des Proverbes. Et au fur et à mesure, je vais vous donner des passages. Comme d'habitude, Proverbe. Proverbe chapitre 2. Nous allons lire, et si Dieu veut nous donner un sujet véritablement, on lit Proverbe du chapitre 2. Mon frère Simon, ça va? Dieu est à ta porte. Amen. Dieu est à ta porte. Amen. Dieu est à ta porte. Ça, c'est merveilleux, ça. Proverbe chapitre 2. Vous y êtes, tout le monde y est, n'est-ce pas? C'est merveilleux ça. Suivez très attentivement. Il dit, nous allons lire cela et prendre quelques autres passages. Peut-être 7, 8 ou 9 ou 10 versets ou 10 passages différents. Pour qu'on pour aller quelque part. Je vais lire à partir du verset 1. Mais depuis aujourd'hui, depuis 14, quelque chose est arrivé. Je ne sais pas. J'ai dit à mon épouse que quelque chose est sur le point. Quelque chose est arrivé. Il tente de lui dire, suivez ceci, suivez ceci. Je ne sais pas. J'ai essayé de sonder si c'est ici à la maison que ça se passe. J'ai dit, j'ai pas détecté que c'est à la maison ici. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit que ça, c'est une nouvelle. Ça, c'est une nouvelle. Ça, c'est une nouvelle. Je ne sais pas si, vous savez, le nouvelle, news. News. Donc, ça, c'est une nouvelle qui sera annoncée. Je ne sais pas ce que ça concerne. Jusqu'à maintenant, pendant que j'en ai parlé, c'est là positionné. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est une nouvelle bizarre. Il y a une nouvelle bizarre qui est sur le point d'être annoncée. Je ne sais pas. Au fur et à mesure, je vais prier pour ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut s'occuper de telle ou telle personne, s'occuper de ceci, prier pour ceci. Ces choses, il fait le temps, c'est que normalement, si ça fait comme ça, si je devais me retirer pour aller m'enfermer quelque part pour savoir exactement de quoi il est question. Il y a une nouvelle qui est sur le point d'être annoncée. C'est une nouvelle, ça. Proverbe chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Mon fils, il sort à partir du verset 1. Oh mon Dieu, c'est encore, ça revient encore. Il dit, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Ça, c'est une nouvelle news. News, c'est quelque chose qui sera annoncé. Préparez-vous seulement. Je vous le dis en tant que chrétien, préparez-vous parce qu'on ne savait pas quel signe peut être donné. Préparez-vous. Préparez-vous. C'est que ça, ce que j'espère. Je n'ai jamais vu ça de cette façon-ci. Quand ça vient de cette façon-ci, il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Mais préparez-vous. Quand ça vient de cette façon-ci, ça, je ne sais pas ce que Dieu fait. Mais préparez-vous. Que chacun soit prêt tout simplement parce qu'on ne sait pas comment ça peut commencer. Quand je regarde, je dis, est-ce que ça c'est telle autre chose qui a laissé préparer? Je dis, est-ce que c'est pour annoncer ceci? Est-ce qu'on va annoncer ça? Est-ce qu'il est possible de parler? Mon fils, si tu reçois, vous voyez, chaque fois il dit, ça fait toujours la même chose là. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes, Seigneur, garde-nous et garde-nous dans ta parole. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, vous y êtes. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si, j'espère que depuis vous en entendez, c'est toutes les conditions, pas vrai? Si. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la cherches comme l'argent, ça va? Il veut s'asseoir au milieu des femmes. Regardez bien, il dit dès le départ, c'est toujours si tu vous en êtes de me voir, n'est-ce pas? Si tu la cherches, nous sommes verset 4 du Proverbe 2 là maintenant. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Je vais m'arrêter sur le verset 4 pour vous montrer quelque chose. Le Saint-Esprit en train de dire ici, parlant de la sagesse et de l'intelligence, en réalité, l'être humain devait plutôt poursuivre cela. On devrait plutôt poursuivre la sagesse et l'intelligence, pas vrai? On devait rechercher cela. Puis il dit ici, il arrive au niveau de la comparaison, c'est-à-dire qu'il attire notre attention du fait que la façon dont on doit, assieds-toi là. Que la façon dont on recherche l'argent, ça devrait être la même façon comme on cherche la sagesse. Regardez le verset, recommençons encore à partir du verset 1. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, nous sommes de lire sa parole, pas vrai? Et si tu gardes avec toi mes préceptes, donc en lisant la parole, on garde ce que Dieu a dit. Souvenez-vous de Jésus lorsqu'il prêchait là-bas dans ce livre de Luc, chapitre 11, le verset 27. Et qu'une femme du milieu de la foule a crié d'une voix forte, et heureuse les mamelles qui t'ont arrêté, heureux le sein de la femme qui t'a porté. Le Seigneur Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Donc ce sont eux qui sont heureux. Vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Alors ici, il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, remarquez bien combien de si il y en a là-bas. Si. Parce que quand en informatique, lorsqu'on fait les incrémentations, ou bien on fait l'algorithme, quand on dit si, alors, si, il y a un fin si, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit arrêter le si là. Puis il y aura maintenant, alors ça doit introduire maintenant les résultats. Si. Si tu fais tes choses, je vais faire tes choses. Si tu fais tes choses, je vais faire tes choses, d'accord? Ce sont des choses, des promesses, des choses, des préceptes qui sont conditionnés. C'est conditionné par notre action. Donc Dieu de son côté attend qu'on fasse quelque chose pour qu'il fasse quelque chose. Il y a des choses comme ça dans la Bible, il y a des principes comme ça dans la Bible. D'autres que Dieu n'a pas besoin de votre, ça n'impose pas de conditions. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est un peu comme par exemple quand il donne les visions, il donne les révélations, c'est pour prévenir son peuple, pour avertir. Parce qu'on dit que si passe pendant tantôt d'une autre, il met des choses, des soins à tes instructions pour éviter que les gens entrent dans les dérives incertaines. C'est pour ça que par exemple il donne des songes. Tu dis par exemple, je projette pour voyager pour tel jour. Vous voyez, Dieu vous donne un arbre qui il vous montre en vision un arbre qui est tombé dans le champ et dont les feuilles sont séchées. Il a de vouloir parler de l'accident. Vous voyez, il n'a pas besoin de montrer que un avion a fait l'accident, bien une voiture a fait l'accident. Il vous amène dans la forêt, met l'arbre, comment l'arbre est tombé par suite des vents. C'est à vous de voir que dans la Bible symbolise l'arbre par l'homme. Et qu'un événement est arrivé, que l'homme est tombé. Vous suivez ça? Donc par exemple, il parle comme ça par les symboles. Mais si tu n'es pas accoutumé, si tu ne connais pas, non. Non. Si tu n'es pas accoutumé en son langage, tu ne peux pas savoir ce que ça dit. C'est pas ce que c'est. Alors donc Dieu donne des conditions ici. Il dit si, vous savez, j'essaie de parler au mieux de moi, au mieux comme ça pour savoir là où il veut nous amener. Alors il dit si tu, nous sommes au verset 2 maintenant, il dit si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prête notre cœur à la sagesse, à sa direction. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Remarquez très bien, si Dieu permet un sur notre cieux, nous allons encore en parler. La sagesse et l'intelligence. Il dit d'abord la sagesse, puis il dit l'intelligence. Après, il dit oui. C'est pour dire oui. Regardez-moi bien. Oui, si c'est ce qu'on retrouve dans les évangiles, quand le Seigneur Jésus-Christ, en vérité, c'est ce qu'il a dit là. Parce que c'est quand lui est le oui. Vous suivez, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit en vérité. Ça veut dire oui, si. Le oui, si. Le oui, c'est pas tous les oui. Le oui qui est dans Proverbe chapitre 2 verset 3 veut dire en vérité, ça veut dire c'est établi, c'est quelque chose qui est établi, c'est une certitude sur plus que la sûreté même que les gens peuvent avoir comme sûreté, comme sécurité, d'accord? Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, verset 4, si tu la cherches là. La sagesse, la aimée pour la sagesse, pas vrai? Si tu la cherches comme l'argent, c'est là où on s'est arrêté. Donc il dit la direction, la façon dont tu veux qu'on cherche la sagesse, c'est exactement comme tu pour servir, pour chercher de l'argent. Alors ça devrait, lorsqu'on lit ces genre de versets, on devrait s'arrêter. Je vous le dis. Lorsqu'on lit ces genre de versets, on devrait s'arrêter pour dire, ok, comment est-ce que nous cherchons l'argent? Pas vrai? Parce que s'il dit, par exemple, s'il s'arrêtait là-bas sans dire au verset 4, il dit ces choses-ci en train de me déranger, ça ne fait que revenir là. C'est une chose de la nouvelle. Là. Alors, s'il dit toutes ces choses, que si tu, et que au verset 4, il ne mentionne pas cela, par exemple, la question devrait se poser maintenant, comment on doit chercher la sagesse? Comment on doit chercher la sagesse? Et lui, il a répondu à cela, sachant que nous devons lui poser cette question. Il dit que nous devons la chercher comme on cherche de l'argent. Alors maintenant, ça veut dire que, comme ce sont des choses spirituelles, il a ramené sur le plan humain pour qu'on puisse savoir comment on doit faire. Pas vrai? La question maintenant, c'est, nous sommes ici, nous tous, et tous les gens qui nous écoutent dans le monde entier. Comment est-ce qu'on cherche de l'argent? Maintenant, ne regardez pas quelqu'un d'autre. Ça vous conseille particulièrement. Comment tu t'appliques, toi, à rechercher l'argent? Alors, il dit que fais comme ça pour la sagesse. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont signé des contrats de travail. Donc, 6 heures, ils doivent se réveiller et s'être sortis pour éviter les embouteillages, pour se retrouver en lieu de service maximum 7h30. Vous voyez? Et rentrent comme ça, d'autres 15 heures, d'autres 17 heures, d'autres 18 heures, d'autres 19 heures, d'autres arrivent à la maison à 20 heures. Ils font comme ça, pourquoi? Parce que s'ils ne font pas comme ça, les gens qui les ont employés, les employés vont donner des sanctions. Et par conséquent, pour d'autres personnes, on prélève, on ne paye pas, le solde n'est pas effectué normalement. Parce qu'on paye en fonction du temps, en fonction des heures. Et par conséquent, comme c'est facturé en fonction des heures, on fait tout et tout pour remplir les heures, pour être sûr qu'on est là. On remplit les carnets, fiches de présence, ainsi de suite, pour montrer qu'on est présent, afin de pouvoir avoir la rémunération à la fin du temps du contrat. C'est ça, frère? Alors maintenant, pour nous maintenant, Dieu dit, nous on reste, on croise des biens pour Dieu. Tout ce qu'on doit faire pour du côté de Dieu, c'est le négliger. Souvenez-vous de la question que j'ai posée dès le départ, en parlant des nombres de choses qu'il y a dans le monde. Et subitement, j'ai posé la question, imaginez donc la grandeur de la personne. Et quoi que cette question a un sens, et quoi au milieu, si on pourra savoir pourquoi le Saint-Esprit permet que nous posions cette question ainsi. Et c'est celui donc qui est le plus grand, qui a tout l'univers, qui est grand et dont on ne peut même pas maîtriser l'infime partie qui est au côté de nous, où Dieu nous a mis. C'est lui qu'on néglige. C'est lui qu'on néglige. C'est lui qu'on néglige. Et on en devrait poursuivre l'argent. J'aimerais que vous mettez le doigt ici, dans ce Proverbe chapitre 2. Souvenez-vous, il a dit qu'on cherche comme on cherche l'argent, pas vrai? Lisons, prenons Ecclésiaste, avancez seulement le livre pour vous qui ne savez pas ouvrir. Nous sommes dans le Proverbe, mais mettez le doigt là, on n'a pas fini le Proverbe là. Mettez le doigt là-bas. Et si vous avez ouvert Ecclésiaste, mettez un truc dans Ecclésiaste parce qu'on va y revenir de temps en temps. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez ouvert Ecclésiaste, ouvrez Ecclésiaste et mettez quelque chose là-dessus pour bloquer parce que tout à l'heure, on va y revenir au fur et à mesure. Si vous avez ouvert Ecclésiaste chapitre 5, permettez-moi d'ouvrir également. Ecclésiaste chapitre 5, lisons seulement un seul verset pour le moment, le verset 6, qu'est-ce que ça dit du chapitre 5 d'Ecclésiaste? Vous y êtes? On y va. Ecclésiaste, prenons le chapitre 6. Ecclésiaste chapitre 6. Ecclésiaste chapitre 6, regardez le verset 7. On y va. Il dit qu'on va lire un seul verset pour le moment. Ecclésiaste chapitre 6, verset 7, qu'est-ce que ça dit? Tout le travail de l'homme est pour... Et cependant, ses désirs ne sont jamais... Vous avez vu ça? Tout le travail de l'homme, c'est pourquoi? On ne voulait pas parler. Ça, c'est pas moi qui dis. Vous avez dit, c'est dans votre Bible, non? Non, j'ai bien dit de l'autre part que éteignez le téléphone. Pour que ça ne vous dérange pas. Je vais éteindre le téléphone. Vérifiez que votre téléphone est pour que ça ne sonne pas pour nous déranger. Donc, dans cet Ecclésiaste chapitre 6, le verset 7, le Saint-Esprit dit qu'en réalité, l'homme ne sait même pas que tout son travail, c'est pour sa bouche. Et qu'est-ce qu'on dit pas dans le, qu'est-ce qu'il dit dans le deuxième volet? Les choses sont là, c'est des vies, ne sont jamais satisfaites. Vous avez vu quelqu'un manger quelque chose, il est satisfait, qu'il ne cherche plus rien. Ils ne font que chercher, pas vrai? Vous êtes surpris que quelqu'un qui a l'argent sort, il se bat encore davantage, plus que, alors que toi, tu n'aimes pas encore, même le tien de ce que lui il a. Il se bat jusqu'à. Quelqu'un dit qu'il a les milliards, il dit que non, les milliards peuvent finir, sauf qu'il est toujours assez, parce qu'il faut qu'il maintienne cela. Parce que quand il est haut, quand il est monté jusqu'à un certain degré, il ne faut plus qu'il basse en bas. Et parce qu'il fait du coup, il faut qu'il court davantage. Et là, on a recherché comme ça de l'argent. Mais le Saint-Esprit dit ici que tout le travail de l'homme, donc tout ce que tu vas faire là, en fait, en fin de compte, c'est quoi? C'est la bouche. Et malgré que tu cherches travail comme ça, là, tes désirs ne sont pas satisfaits. Alors, c'est pour ça qu'on est insatiable. C'est donc pour ça que vous voyez tous ces meurtres, tout ceci. Alors, si c'est déjà des versets, on pouvait passer un peu une année là-dessus à prêcher. Je prêche seulement sur ces versets. Vous me donnez un temps, comme ça, une année. Que toute l'année, je prêche tout autour de ces versets, tout autour de ces versets, tout autour de ces versets. L'homme sera vraiment dépouillé de sa nature pécheresse. Parce que ce sont ces désirs-là qu'on ne peut même pas satisfaire, qui nous poussent vers les vanités. Quand vous entendez que, par exemple, quelqu'un dit que je fume cette cigarette, c'est pour noyer mes soucis. Quand il fume ça, je suis à l'aise. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui qui veut satisfaire. Mais le problème, c'est qu'il fume un bâton, quand il est à l'aise, il veut toujours fumer encore l'autre. Il ne fume pas ça. Quand il est à l'aise, ça ne fait pas qu'il arrête désormais de fumer. Vous voyez qu'il continue encore à consommer. D'autres personnes consomment la drogue. Lorsqu'il consomme l'alcool, il commence avec 3 bières. Il dit, waouh, ouf, je suis satisfait aujourd'hui. Demain, il voit 6. Alors, pourtant, il a dit hier qu'il était satisfait. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? On dit que jusque-là, il n'est pas satisfait. L'autre cherche une fille qui est brune. Il dit, waouh, elle est brune. Un jour, il voit maintenant une autre fille qui est noire. Son teint est noir comme l'ébène. Il dit, mince, il croit que j'avais fait l'erreur. C'est plutôt ceci. Il va vers celle qui est noire, après il dit que merde, je veux les blondes. Parce qu'un jour, il y a une blonde qui la regarde avec les yeux, il va dire que mince. Comment c'est déjà si fait? Pourtant, c'est là. C'est une femme, c'est une femme. Les couleurs le trompent à l'intérieur par rapport à ses désirs insatiables. Vous voyez maintenant, Dieu dit ici dans ce livre, rentrons dans le livre des Proverbes, donc, chapitre 2. Il dit donc, si tu sais, l'une des conditions, mais je suis en train de m'arrêter ici parce que c'est le nez de la guerre ici, parce que le Nouveau Testament nous dit de 1 Pierre, 1 Timothée, chapitre 6. Le verset 3 à 10, que c'est le nerf de la guerre sur la terre de tous les problèmes, c'est de l'argent. C'est ce qu'on a vu là-bas. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Il dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est parce qu'on aime l'argent, l'astre, l'amour de l'argent. Pourquoi on aime l'argent? Parce qu'on sait que c'est ça qui nous donne, ça répond à tout. Si on veut acheter de la bière, c'est ça. Si on veut faire ceci, c'est l'argent. L'être humain qui est élevé, qui est vivant, a donné de la valeur à un objet au point où cet objet les contrôle. Quand vous marchez dans la nuit, vous avez votre porte-monnaie. Il n'y a rien dedans. Vous cachez votre porte-monnaie. Hein? Non. N'est-ce pas? Mais quand vous, si vous allez là, on vous a envoyé un Express ou un Western Union. Quand vous allez prendre, même le taxi, que vous, quand vous, faites, vous tendez la main, vous avez le tassement, ça arrête. Il y a deux hommes dedans, avec l'autre avec les cheveux comme les Rastamen. Tu te baisses comme ça, quand tu te regardes comme ça, là, tu tournes le visage, non? Mm-hmm. C'est pour dire quoi, tassement? Ouais. Quelque part, pardon, pas Staro, pas vrai? En réalité, ce n'est pas pour votre vie. Que vous craignez d'entrer dans cette classe, pas vrai, frère et soeur. Vous craignez pourquoi? À cause de l'argent qui est dans. Vous protégez comme ça l'argent. Quand vous veniez dans le taxi tout à l'heure, avant aller pour aller dans la banque pour prendre l'argent, vous n'avez pas de l'argent. Vous avez même, c'est même à peine que vous avez remarqué la personne qui est à côté de vous, parce que vous n'avez rien. Mais quand vous voyez quelqu'un qui peut-être il a fait deux sans dormir, ses yeux sont rouges. Vous dites tassement, en fait vous ne parlez même pas tassement. Vous tournez vos visages pour ne pas le regarder, parce pour qu'il comprenne que vous n'entrez pas là dedans. Parce que cette fois-ci, vous avez de l'argent dans votre main. Qu'est-ce que c'est que cet argent? Prenez votre Bible. Vous allez remarquer que c'est une feuille. On a écrit des versets bibliques. On a écrit des paroles qui changent nos vies. L'argent dont là, cette devise dont là, ce sont des choses que... C'est une feuille qu'on a coupée également. On a également imprimé des choses dessus. Lui donner des valeurs. Il suffit que les sociétés de banques ou bien les manufacturiers de banques disent maintenant que les monnaies que nous utilisons maintenant sont sans valeur, qu'on a réimprimé une autre. Alors, et que ce que tu tiens entre les mains n'a plus de valeur, évidemment. Que tu aies 10 000, 500 euros. Si on dit que maintenant les 500 euros sont vertes totalement, alors que tu as 500 euros qui sont jaunes, que ces 500 euros ne te servent plus effectivement à rien. Or, c'est l'homme qui a donné de la valeur à cela. Et l'homme tue son frère à cause de cela. Quand il y a le cambriolage, c'est à cause de cela. Si on veut voler ton ordinateur, c'est parce qu'il sait qu'avec cet ordinateur, quand il va voler, il va aller vendre pour avoir de l'argent. Si on dit maintenant que l'argent, il n'y a plus l'argent, que l'argent, il n'y a plus l'argent, on doit vivre comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, il mange, qu'il y a quelque chose, il mange. C'est que les voleurs ne voleraient plus, ne tueraient plus quelqu'un pour de l'argent. Me suivez, frère? L'être humain a réduit et donné son droit de naissance à de l'objet. Maintenant, et c'est cet objet qui a fait l'éternité. On a pris donc nous-mêmes, donné des valeurs et lancé la compétition contre ces choses-là. Vous voyez des gens qui, les jeunes filles qui se vendent en Europe à cause de quoi? De l'argent. Des familles qui se déchirent à cause de quoi? De l'argent. Alors Dieu dit que si tu, verset 4, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, c'est la condition. Souvenez-vous, il n'a pas encore énoncé la condition, c'est donc les résultats qui vont en découler. Il a donné les conditions. Je dis comme ça parce qu'on dit qu'on cherche Dieu. Non, c'est Dieu. Mais en réalité, au fond, dans la pratique, ce n'est pas justement ce qu'on fait. Parce qu'on ne connaît pas ses procès. Comment c'est que lui, il requiert des autres, mais ce qu'il exige. Mais on est facilement entraîné par les exigences de Satan. Parce que souvenez-vous de ceci. Le fait que l'homme a donné sa volonté derrière l'argent, il s'est soumis lui-même à Mammon. Parce que Mammon, c'est le démon, le Dieu qui se cache derrière l'argent. Vous suivez ça? Regardez bien ici. Verset 5. Alors, vous avez vu, ils ont dit que les conditions sont finies, n'est-ce pas? Les conditions sont finies. Les conditions commencent au verset 1 jusqu'au verset 4. Maintenant, c'est les résultats de la condition, si on respecte, qui arrive. Souvenez-vous, au verset 3, il a commencé par oui. Donc, c'est-à-dire en vérité. C'est-à-dire, c'est une certitude sûre, plus que la sûreté qui nous sécurise ici. Alors, ici, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Dieu vient de nous dire, chère madame, Dieu vient de nous dire, chers messieurs, que si vous cherchez l'argent et que vous cherchez Dieu, pas comme au niveau de comment vous cherchez l'argent, vous ne pouvez pas savoir ce que veut dire la crainte de Dieu. Il vient de dire cela dans le premier résultat. Alors tu comprendras. Si tu fais ces choses, ce n'est que là-bas que tu pourras comprendre ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Puis il dit, à l'issue de cette crainte de l'Éternel, il dit, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc je crois que ici, Dieu est un peu plus clair de la manière dont il faut le chercher. Donc si quelqu'un cherchait à connaître qui est Dieu, comment faire pour Dieu, c'est cette façon-ci. Dieu veut qu'on fasse un stop. On réfléchit. Nous sommes aujourd'hui lundi par exemple, ou mardi, ou mercredi. Comment je fais pour gérer ma journée pour pouvoir trouver quelque chose à manger? Si je veux du riz et que je n'ai pas de l'argent, comment je fais pour obtenir de l'argent pour acheter ce riz-là et à manger? Comment je fais pour satisfaire à mes besoins? Comment je parviens à déployer les efforts pour acheter cela, pour obtenir de l'argent? Vous suivez, frère? Pour d'autres personnes qui arrivent dans les zones où il y a les champs, il va falloir qu'ils font d'autres font de cacao, d'autres font des champs de tomates. Mais quel qu'en soit le cas, on va toucher cela. Dieu est derrière pour les donner cela. C'est pour ceux qui font le cacao, savent exactement ce qu'il en est avec le cacao. Il faut enlever des je ne sais pas comment vous appelez ça, il y a des choses qui s'égrèpent sur le cacao. Pulvériser le cacao des différents chenilles là-bas qui infestent le cacao. Arranger pour qu'il y ait le soleil dans le cacao. Nettoyer le bas. Dans un champ de cacao, chaque cacao, tu vas le faire pour chaque cacao. Chaque cacao. Si tu en as comme ça 4000, tu vas faire pour les 4000. Si tu espères avoir le cacao, donc l'estimation est là. Vous suivez ça, frère? Souvenez-vous ceci, on fait tout ce travail-là à cause de l'argent. Alors, vous finissez de faire cela, il faut attendre maintenant ça mûrit. Quand ça mûrit, voilà, il faudrait cueillir. Vous allez réunir cela, aller porter dans le sac de cacao, chaque cabosse de cacao, aller réunir à un endroit, casser. Et prendre le cacao pour vous amener quelque part. Finissez de casser, ça devient mou. Ça sort du jus à l'intérieur. On les met dans les sacs, ça commence à couler du jus. Les abeilles viennent vous suivre, vous portez pour aller quelque part. Il y a un endroit qu'on appelle Hoven. On les sèche. Les personnes les sèchent dans les lits. Il faut surveiller que les voleurs ne viennent voler cela. Parce que on peut voler cela. Parce que vous remarquez bien, vous allez travailler au fur et à mesure, vous déployez des efforts pour pouvoir le faire. En détail, un bandit attend tranquillement. Soit que vous finissez de faire, il vient porter le sac, aller vendre. Soit vous finissez de faire, vous vendez, il vient prendre l'argent. Vous voyez, la finalité, c'est quoi? L'argent. Alors quand vous finissez de sécher le cacao maintenant, ce sont des bailleurs de fonds maintenant qui fixent le prix du cacao sur le cours, sur le plan international, sur le commerce international. Tous vos efforts qu'on a fait maintenant, on a réduit ça en un kilo. On pèse en kilo. Tous les efforts que tu as fait, tous les fois où tu as esquivé un serpent, où tu t'es fait du mal avec la machette au champ, c'est de l'argent. Après, vous pouvez compter le bout de papier comme ça. Et ce bout de papier est produit à partir d'un arbre qui se trouve dans ton champ, qu'on a dû couper. Aller transformer en contreplaqué, transformer en papier, ça se trouve dans ton champ. C'est tout là où ça se trouve. L'encre avec laquelle on a écrit, ça se trouve toujours dans ton champ. On est venu, on a pris ton cacao. On a dit que avec ton cacao, fais des efforts. Tu as fait des efforts. On a coupé ta planche dans ton champ. Prendre les angles dans ton champ, écrit quelque chose sur lequel tu vas tourner. Donc on tourne en rond. Ecclésiaste chapitre 6, verset 7, on dit, tout ce que l'on fait sur la terre, c'est pour sa bouche. Et quand bien il va déployer toute cette puissance, il n'est pas toujours satisfait. Parce que voilà maintenant que tu as fini le cacao, qu'il va falloir maintenant rentrer encore au champ pour préparer encore le cacao pour l'année prochaine. Vous voyez cela, frère? Vous voyez? Quand tu vas finir sécher le cacao quelque part, il va falloir maintenant que tu emploies les gens. Mettre les matières de là-bas pour que les gens gardent. Pour qu'on ne vienne pas garder, voler ton cacao. Commencez à maintenant les nuits de sommeil, tu n'as plus les nuits. Parce que de nuit et jour, il faut que tu veilles à cela. Un de ces jours, ça sèche bien. Les êtres humains viennent, on t'attache dans le souci, on te fait grâce de vie. On t'attache à côté, on prend le cacao, on part. Tu cries toutes les malédictions. Tu cries toutes les malédictions comme ça à cause de l'argent que tu dois obtenir. Alors, l'être humain a donné le pouvoir à Satan de le contrôler par de l'argent. L'argent était un objet pour ceux qui sont des chrétiens et véritablement assortis de l'Esprit de Dieu. Ils devaient comprendre que l'argent est un accessoire comme la brosse à dents, comme la chaussure que nous portons. Suivez ça? Voilà. Alors, le Seigneur nous dit ici, si j'avais trop vite, me dit de ralentir parce qu'on a beaucoup, vraiment beaucoup de versets à lire là. C'est merveilleux tout simplement qu'en lisant les écritures comme ça. On va toucher beaucoup de points ce soir, d'accord? Beaucoup de points. Mais jusqu'aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on n'a pas encore parlé de quelque chose de précis. On en avance, c'est pas vrai? Mais donc Dieu a donné les conditions, Mais je veux qu'au sortir de cette introduction, vous sachiez qu'il a dit que vous devez vous faire un stop. Chacun doit faire un stop pour savoir que comment moi je cherche Dieu. La façon dont vous cherchez Dieu n'est pas. Dont vous cherchez l'argent, ce n'est pas la même façon que je cherche l'argent. Et par conséquent, la façon dont vous cherchez Dieu ne doit pas être identique pour tout le monde. Mais il a mis le principe. Comment tu cherches l'argent? Si tu trouves ce principe, comment tu cherches? Alors il dit, c'est comme ça que tu dois chercher Dieu. D'accord? Maintenant, il a dit que alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Donc, si tu fais ces choses, tu vas comprendre la crainte de l'Éternel. Parce que celui qui se livre dans la recherche de l'argent à outrance peut être dans l'iniquité sans s'en rendre compte. Parce qu'il faut avoir l'argent à tout prix. Et par conséquent, en allant vers Dieu, de la même façon pour chercher Dieu, Dieu te nettoie, te révèle ses pensées, ses volontés et autres. Donc, on avance. Verset 6, il dit, car l'Éternel donne la sagesse. Vous avez vu ça finalement? Verset 6, là nous sommes dans Proverbe chapitre 2. Verset 6, puisque au verset 5, la partie B dit, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Comment trouver la connaissance de Dieu? Rentrez maintenant en haut, regardez les conditions qu'il a mises là-bas. Comment trouver la connaissance de Dieu? Il faut le faire. Le plus grand là-bas de tout cela, c'est là où on a conclu verset 4. C'est qu'il faut chercher Dieu, chercher la sagesse comme on cherche l'argent. Pas comme on cherche l'argent, comme tu cherches l'argent. D'accord? Quand tu sors très tôt, pour braver les embouteillages pour arriver à son lieu de service, pour arriver au champ, pour ceux qui font le champ, et ainsi de suite, pour chercher les premiers clients du matin. Ne sais-tu pas que dans Luc d'Exode, il avait été dit aux Juifs qu'ils devaient sortir très tôt avant que le soleil ne se lève pour pouvoir prendre la manne à manger? N'avez-vous jamais vu cela dans les Écritures? N'avez-vous pas compris que Dieu veut comme ça qu'on le cherche très tôt, que vous devez être très tôt avec lui dans sa communion? Parce que si le soleil sort là, ça se dissipe. Verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. En fin de compte, ça veut dire que l'argent parle à nos cœurs et à nos vies. Et Dieu veut parler à nos cœurs et à nos vies. Puisqu'il dit ici que la sagesse, finalement, c'est lui qui la donne. Et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc, en réalité, Dieu veut dire temporiser vos recherches et vos poursuites du vent afin qu'il puisse parler à vos cœurs. Suivez ça, frère? Suivez, n'est-ce pas? Dieu veut dire temporiser. Temporiser votre recherche, votre course effrénée à de l'argent, au gain sordide, et je parlerai à vos cœurs. Vous voyez, quelqu'un est dans une boutique, il dort comme ça, quand il dort, il se réveille, tu entends dans sa bouche 300 francs. Il parle seul que 300 francs, sans que personne lui ait posé de question. Qu'est-ce qui est dans son cœur? Il est assailli par l'argent, envahi par l'argent. Vous voyez, mes chers frères. Donc, Dieu veut dire là, au verset 7, 6 et 7, enfin, verset 6, il dit, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. Vous voyez, sorte la connaissance et l'intelligence. Donc, ça veut dire que Dieu va rester tranquille, attendant que tu sois concentré sur lui, pour qu'il parle, pour que ça vienne dans ton cœur. Pas vrai, frère? Donc, autrement dit, Dieu veut que on laisse tous ces bruits que nous cause l'argent dans nos cœurs. On laisse la poursuite des gains sordides et qu'on se tourne vers lui, afin qu'il puisse parler à nos cœurs. Pourquoi ma soeur l'arrêt? C'est toi qui se lève, tu dis que 300. Alors, verset 7, remarquez très attentivement. Il est posé une question dès le départ. Combien de choses avons-nous sur la terre? Avons-nous découvert toutes les choses qui sont sur la terre? Vous avez dit non. Pourrons-nous le faire? Vous avez dit non. Et la terre n'est qu'une minuscule partie de tout le grand univers. Alors maintenant, mesurez donc la majesté de la personne qui l'a fait ici. La Bible déclare que toute leur armée fonctionne. Tout est à leur place, chaque chose a sa place. Il est nom, donne tout leur nom. Pas vrai? Maintenant, regardez ici, verset 7, il dit, il est mis pour Dieu. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Souvenez-vous, c'est en rapport avec l'argent qui est là-bas, avec notre soif, notre désir, la soif de nos vies. Tous les détours que nous faisons, toutes les corruptions. Vous voyez, quand un parent part chercher le travail à son fils ou à sa fille, il peut avoir un ministre, il négocie, donne de l'argent à côté. Pourquoi on achète la place au concours? Comme on a dit, c'est le moyen maintenant. Vous pensez que qu'est-ce qu'on a de faire? C'est tout simplement pour la subsistance de sa progéniture. Vous suivez ça? Il dit qu'il tient en réserve le salut, au verset 7 là maintenant, pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Soulignez homme droit, puis vous entourez intégrité. Vous entourez marche dans l'intégrité. Vous savez combien de dérives nous voyons pour pouvoir arriver à notre fin, journalièrement, avec de l'argent. Et des gens qui mentent pour avoir de l'argent. Vous allez voir beaucoup de personnes. Remarquez, vous marchez dans la rue. Vous venez voir quelqu'un qui, depuis 5 ans, fait le même travail. Il te rencontre, il ne demande pas plus. pardon, donne-moi 5 ans là, je suis venu voir ma tante quelquefois là, j'ai 105 ans, j'ai oublié que je n'ai pas appelé avant de venir, j'ai pas l'argent, ça fait 2 jours, j'ai pas mangé, vous voyez. Tout, vous tournez, vous voyez la même personne chaque fois. Et d'autres sont des handicapés qui passent le temps en disant qu'on a donné la radio, qu'il parle à l'hôpital depuis des années. Il est handicapé, il utilise son handicap comme moyen pour de subsistance. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire pour manger. Il vient vers toi, il s'approche vers toi pour donner, prendre de l'argent. Vous voyez les gens dans les carrefours, il y a les embouteillages, vous voyez les gens courent avec des assiettes. Des petits enfants viennent avec les embouteillages vers la voiture, ils tendent vers la voiture. Vous voyez cela? Qu'est-ce que j'ai pour la subsistance? Dieu dit ici que. Il tient en réserve. Quand on dit Dieu tient en réserve, il dit tient en réserve, c'est-à-dire que c'est à lui, ça se trouve chez lui. Cette chose, une réserve, c'est quelquefois un endroit où on garde un magasin. Il garde un magasin, il y a une réserve, il y a quelque chose de gardé en réserve. Il dit pour 1. Les hommes droits. 2. Pour ceux qui marchent dans le. Ici, c'est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. La poursuite de l'argent peuvent nous rendre aveugles au point où on marche dans des voies détournées. On utilise des forces sans s'en rendre compte parce qu'on veut à tout prix arriver à nos fins. C'est. Et malheureusement, beaucoup d'êtres humains se trouvent là-dedans. Beaucoup d'êtres humains, y compris les chrétiens, se trouvent là-dedans. Vous allez voir des chrétiens qui font du business. Ils vont dire que ici, dans mon business, laisse Dieu là-dedans. Laisse Dieu en dehors. Ici, ce business, c'est le business. Il peut mentir. Il peut mentir, dire des fraudes n'importe comment. Des femmes qui font des beignets, et vous voyez effectivement que le beignet d'or, on les distribue. Ou bien manger, elle chauffe ça le matin, vous venez le matin, très tôt le matin, vous demandez de baigner, que ce baigner, c'est chaud, oui, je viens de faire ça maintenant, c'est une femme chrétienne. Et mes frères, et mes soeurs, mettons le dos là-bas, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, lisons un verset là, 1 Thessaloniciens. Vous y êtes, chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, souvenez-vous, dès le départ, je vous ai demandé de garder Ecclésias ouvert, n'est-ce pas? Chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je vais lire le verset 6, 1 Thessaloniciens, nous sommes dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Chapitre 4. Si vous êtes avec moi, je vais lire. Remarquez, regardez la façon dont je vais lire. Je vais lire les 4 premiers mots, identifier les 4 premiers mots du verset 3. Vous y êtes? Vous avez vu les 4 premiers mots du verset 3? Verset 3, les 4 premiers mots. 4 premiers mots. Regardez, lisez en 1, 2, 3, les 4 premiers mots. Voilà les 4 premiers mots. Quand je vais lire ça, je vais passer directement au verset 6 pour vous comprenez l'ampleur. D'accord? Je vais lire les 4 premiers mots là, puis je vais continuer au verset 6. Allons-y. Ce que Dieu veut, c'est que personne n'use des fraudes. Non, n'use envers son frère des fraudes et des cupidités dans quoi? Dans les affaires. Donc on dit que c'est ce que Dieu veut. Vous avez vu? Donc quand quelqu'un dit que non, ici le business, si Dieu n'est pas dans le business, Dieu est partout. Remarquez bien, il parle dans les affaires. Donc quand tu fais les affaires, il dit que personne n'utilise de cupidité ni de fraude. Vous avez vu cela? Dans les affaires. Il dit, parce que le Seigneur t'y vengeant de toutes ces choses. Donc Dieu a les regards en chaque. Dis à quelqu'un que Dieu a les regards. Dans chacune de nos actions. Voilà. Puis il dit ici, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Et puis il conclut, verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes, souvenez-vous de ce qu'on a dit en Proverbe par rapport aux préceptes. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Donc Dieu a contenu sa volonté dans les préceptes. Vous avez vu ça, frère et soeur? Vous avez vu bien, n'est-ce pas? Il dit, celui qui rejette ses préceptes. Donc les choses qu'on a dit que faites ceci, faites ceci, faites ceci. Celui qui rejette ça, il vient de rejeter qui? Donc vous voyez effectivement que pour dire. Alors, remarquez très attentivement ceci. Si vous prenez la Bible et vous lisez, comme les gens vont dans la Bible, ils ouvrent les psaumes comme ça pour pouvoir ouvrir quelqu'un dit que donne-moi un psaume, il n'y a pas un psaume là pour me fortifier. Ça ne sert à rien de prier et de vivre dans le péché. Ça ne sert absolument à rien. La Bible vient de nous dire ici là, c'est une autre information que la Bible nous donne. Au fur et à mesure qu'on lit, Dieu nous donne ses volontés. On a vu d'abord verset 3, les 4 premiers mots que c'est que Dieu veut. Donc il vient d'exprimer quelle est sa volonté. Il dit c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires parce que Dieu t'y venge de toutes ces choses-là. Après il dit Dieu ne nous a pas appelé quoi à l'impurité mais à la sanctification. Donc quand il t'a appelé, il veut quelque chose. Il y a quelque chose qu'il veut derrière. C'est-à-dire qu'on vit cette vue de sanctification. Il a appelé cela, tout à l'heure vous avez souligné cela, il a appelé cela des hommes droits, d'intégrité. C'est ce qu'on a lu là-bas. Vous savez, c'est ça. Puis il dit ici, c'est ça qu'il voulait insister. Il voulait faire une parenthèse avant qu'on continue dans le livre des Proverbes. Puis il dit ici là que celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Dans la partie A de verset 8 là. Le verset suivant dit maintenant qu'il vous a donné ce Saint-Esprit. C'est pas encore le moment là par rapport à cela. Mais ce qu'il veut dire, c'est ici. Le verset 8 nous dit. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais rejette qui? Dieu. Donc, rejeter Dieu ne veut pas dire ceci. Dieu, je ne te veux pas. Il ne faut pas dire cela pour dire que tu rejettes Dieu. Si Dieu dit quelque chose, il dit voici ma volonté. Tu n'y marches pas, tu viens de le rejeter. Le jour où tu vas tourner, tu vas devoir revenir là-dessus. Parce que c'est comme ça qu'il marche. Il n'est pas un homme qu'on peut frauder, manipuler n'importe comment. Les gens croient effectivement qu'en prenant le livre de prière, le livre de prière, en récitant, en priant ce style de prière, puis faire autre style de prière, ça va marcher. Dieu veut, il a dit tout à l'heure dans ce livre, que nous avons lu au verset 7 là-bas, qu'il tient en réserve pour. Il tient en réserve, le verset 7 du premier chapitre 2, nous avons lu aujourd'hui. Le verset 7, il a dit, il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous avons lu dans ce livre, le chapitre 2, le premier verset 7, pas vrai? Il dit qu'il tient ça en réserve pour les hommes droits. Amen. Rentrons dans le proverbe. Donc le verset 7 dit encore, je récite, « Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. » Gardez-vous là, l'esprit, qui marche à l'intégrité. Donc tu ne peux pas marcher dans les fraudes. Quand on vient t'arrêter, tu dis, « Oh Seigneur, sauve-moi, oh Seigneur, sauve-moi. » Il est écrit que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Comment tu peux invoquer son nom dans l'iniquité? Il dit qu'il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça veut dire que si tu marches dans l'intégrité, si ta voix plaît à Dieu, même si n'importe quoi arrive, tu peux l'invoquer. D'accord? Maintenant, verset 8 dit, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voix de ses fidèles. Vous avez vu ça? C'est Dieu qui garde. Vous voyez, il garde la voix de ses fidèles. Ceux qui sont fidèles à Dieu, il garde leur voix. Puis il dit, alors, tu comprendras. Remarquez bien, il y a un alors en haut. Il y a un alors en bas. Alors, tu comprendras la justice. L'équité, la droiture. Ces mots, les mots sur justice, équité, droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Vous avez vu ça? Donc tu vas comprendre cela. Il ne s'agit pas de définir ce que ça veut dire. Il faut vivre la définition. C'est quoi le juste? Le juste, c'est celui qui ne marche pas d'après le péché. Oui, marche donc comme ça, tu es juste. Vous voyez cela? Alors, verset 10, car la sagesse viendra dans ton cœur. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Plus haut, il a dit que il parle, ça sort de sa bouche. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Et dans un autre enseignement, j'avais dit que le cœur ne peut pas rester neutre. Vous devez l'entretenir. Vous voyez? Et le Seigneur, justement, avait dit dans Luc et dans Luc Matthieu, il dit que là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur, dont la voix. Comme il a dit ici en haut dans ce verset 2, il dit si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Parce que là, ton trésor est, tu dors. Moi, une petite chose, vous voyez quelqu'un qui a acheté le terrain quelque part. Chaque fois, il va seulement te lever. Il va jeter. Si vous voyez, il prend là, il cherche le titre foncier, il faut qu'il garde. Quand on dit que maintenant que le caterpillar va passer pour tracer cette zone de l'argent, de travail, on dit. La prière maintenant commence. Seigneur, fais que ça ne tombe pas sur mon terrain. C'est là qu'on reconnaît le Seigneur. Fais que ça ne tombe pas sur mon terrain. Nuit et jour, le cœur est court sur le terrain. Et ce terrain-là, si tu meurs, c'est par grâce qu'on va te donner 2 mètres là-bas. Il dit, mais c'est par grâce qu'on va te donner 2 mètres. Est-ce que vous savez que le terrain sur lequel on bagarre, il y a eu des anciens occupants avant nous? Vous savez ça? Est-ce que vous savez que quand vous venez dire que c'est mon terrain ici, là-bas, j'ai 1000 mètres carrés, ça commence là-bas, ça finit là-bas. Vous savez qui avait cela d'abord? On partage comme ça la terre, c'est ce qu'on tire la terre. Qui a créé cette terre ici? C'est pour qui? Je vous pose la question, c'est pour qui? Qui l'a créé? Juste parce que quelqu'un dit que c'est mon titre foncier, voici ce qui prouve que c'est ma terre. Dieu lui, il aussi, il révèle quelqu'un comme ça. Il lui dit, okay, s'il présente le titre foncé de toute la terre, qui pourra en dire davantage? Dieu a fait le morcellement avec quelqu'un. Il faut qu'on revienne à l'ordre, pas vrai? La Bible déclare dans le psaume 24, à l'éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Un être humain se tape sur la terre, parce qu'il suit son voisin, en disant que la terre, c'est pour lui. Tu dis que prouve, il dit que mon père était d'abord sur la terre ici. Mes grands-parents ont vécu sur la terre ici. Voilà la preuve pour dire que c'est sa terre. Il ne connaît même pas en quoi l'élément constitutif de cette terre-là a été fait. Dis à ton voisin, connais-tu les anciens occupants de ta terre? Ils sont allés quelque part toujours. Là où il y a ton trésor, là est ton cœur. Donc ton cœur coule là-bas. Puis d'ici que car la sagesse viendra dans ton cœur. Comme la sagesse n'est pas dans notre cœur, c'est pour ça que quelque chose d'autre est là pour nous contrôler. On court là derrière. Comprenez, n'est-ce pas? Puis d'ici, et la connaissance fera les délices de ton âme. Donc en réalité, souvenez-vous, les délices, tout à l'heure, on a vu dans Proverbe chapitre, dans Ecclésiaste chapitre 6, le verset 7, nous avons vu que malgré que l'homme couvre n'importe quoi, travaille n'importe quoi pour sa bouche, ses désirs ne sont pas satisfaits. Et les désirs là sont les désirs de l'âme. Ici, il dit qu'en réalité, c'est la connaissance de Dieu qui fait les délices de l'âme. Donc les délices, ce que les gens cherchent là, ce que les gens cherchent pour se satisfaire normalement, ils cherchent la connaissance venant de Dieu. Mais ils ne savent pas tout simplement. C'est pour ça que tu vois, pour les uns, ils vont chercher des femmes pour dire croire qu'ils sont satisfaits, mais ils ne sont jamais satisfaits. L'autre cherche du travail. Oh, quand je vais travailler, si je travaille ici dehors, si Dieu me donne seulement un travail, Seigneur, donne-moi seulement, il ne demande pas plus. Donne-moi seulement un travail. Je vais te servir tous les jours de ma vie. Il dit, ah bon, hein? Il dit, ok. On t'appelle maintenant pour l'emploi. On dit que le contrat de travail stipule que 7 heures, tu dois être au travail. Ça finit à 20 heures. Tu dis qu'il n'y a pas de problème. Tu travailles comme ça, premier jour, tu es assis. Quand tu rentres le soir, le grand matin, tu te lèves. Tu dis, oh, il faut qu'il arrive au travail avant 7 heures. Vous voyez ce que vous faites? Tu te lèves rapidement. Il y a les paramètres autour de toi dont tu ne maîtrises pas. Si tu as les enfants, il faut que les enfants vont à l'école. Il faut que tu prépares la nourriture. Pas vrai, frère? Alors, tu te lèves très tôt. Très tôt, tu te lèves. Très tôt le matin, tu te lèves. Tu fais toutes ces choses-là. Tout ce que tu peux faire pour les uns, c'est qu'ils font le signe des croix. Le signe des croix. D'autres disent, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain de nos jours rapidement. Au nom de Jésus, amen. Ils sortent rapidement. Pour faire quoi? Pour arriver au travail à l'heure. Le travail qu'ils ont demandé à qui initialement? À Dieu. Nous lui faisant quelle promesse? Que si dans le travail, on va le servir tous les jours de sa vie. Ok. Maintenant, on va au travail comme ça, on rentre rapidement, on est épuisé. Il faut contrôler. L'enfant vient que maman, papa, mon bulletin, le maître a dit que oui, j'entends. Mets l'enfant. Mange rapidement, tu ne vas pas te coucher. Toi, tu es épuisé. Tu ouvres la Bible comme ça, tu ouvres la Bible. Tu es heureux, ceux qui ne mangent pas, l'éternel, mon bébé, mange. Tu fais ça, tu lis, tu dors une fois, tu tombes le sommeil, tu bailles deux fois. Après, tu fermes la Bible. Le Seigneur va comprendre. Le Seigneur va comprendre. Après, on fait sa prière, Seigneur, merci pour la journée que tu as protégée. Merci. En dormant, même, d'autres se lèvent même sur la Bible qu'ils ont dormi, ça a froissé la Bible. En dormant, on se lève. On a mis la lame à quoi? 5h30, même si ça fait n'importe comment, on se lève. Pourquoi on se lève? Parce qu'il y a le travail. Mais fait comme ça qu'on se lève très tôt pour prier. Quand la lame va sonner, pum, c'est l'heure de la prière. On tape la lame comme ça que tais-toi. L'heure de la prière qu'on doit dormir. Pas vrai, frère? Maintenant, de 5h jusqu'à 23h, je veux que vous regardiez combien de temps ça fait. Et je vous avais dit ici que Dieu a fait bien de donner 24 heures à chacun de nous. Il n'y a personne qui a 23 heures par jour. Il n'y a personne qui a 25 heures. Chacun a combien? 24 heures. Il va nous juger selon le temps que nous avons à faire. Chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même, dit la Bible. Pas vrai? Donc, tes 24 heures, la façon dont tu dis que tes 24 heures, c'est ton problème. Tu ne peux pas avoir 23 heures par jour. Tu as 24 heures, j'ai 24 heures, chacun a 24 heures. Si vous dormez seulement 8 heures par jour, ça fait que vous dormez quoi? Le tiers de votre temps. Vous savez ça, frère? Ça veut dire que si vous faites 75 ans, vous avez passé 25 ans à dormir. Imaginez seulement. Ça veut dire que si vous faites 75 ans, ça veut dire que si tu dors chaque jour 8 heures de temps par jour. Ça, c'est pour le sauver seulement. Si vous faites 25 ans sur la terre, prenons le cas où vous avez 75 ans sur la terre. Là, vous avez passé 25 ans de sommeil. Ajoutons maintenant à 8 heures par jour, les jours où tu pars, les heures où tu pars pour manger, tu vas aux toilettes, tu fais les futilités. Donc, si vous faites sensiblement 12 heures par jour à faire des bêtises, je dis 12 heures, ça c'est minimum. Parce que J'ai doute fort que quelqu'un par jour fasse 12 heures de temps pour les choses de Dieu. Voilà, on en est. Et 12 heures comme ça, ce n'est que la moitié de 24 heures par jour. Pas vrai, frère? Donc, si tu fais 12 heures de bêtises par jour, tu as 100 ans sur la terre, tu as 50 ans de bêtises. 50 ans de futilité. 50 ans, maintenant, on va commencer à entrer là-dedans pour voir encore des choses que tu as faites, des méchancetés, des actions, autres. On ajoute sur ça. Tu vas voir que sur 100 ans que tu vas faire sur la terre, si tu fais 100 ans, tu auras fait peut-être 90 années de bêtises. Si vous, vous êtes juge, on vous dit, ok, juge-toi toi-même. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas te dire que non, coupable. Donc, si Dieu juge dans nos actions en pesant même sur la balance, est-ce qu'on peut sortir indemne devant lui? C'est maintenant l'heure de se réveiller, d'accord? C'est maintenant l'heure de prendre conscience, de comprendre que Dieu a de vouloir qu'on cherche Dieu avec assiduité, de la même manière que nous cherchons un agent avec assiduité. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok, continuons ici. Verset 11 dit, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer. Donc en réalité, c'est même pour notre bien. Si tu fais tes choses, ça veut dire qu'en réalité, beaucoup de personnes pensent, vont comme 1 Timothée 6, nous dit que beaucoup de personnes ont fait naufrage dans la foi en voulant en pouvoir poursuivre de l'argent. Il dit, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient les discours pervers. Donc ceux qui font des choses, il y a des gens qui bavardent des choses derrière ton dos, tu ne connais pas quel pied se tendent. C'est en allant vers Dieu que Dieu peut te révéler que garde-toi de telle personne. Garde-toi de telle personne. Vous voyez? De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux. Qui trouvent de la jouissance à faire du mal. Tu sors tous les jours pour aller chercher de l'argent. Tu cours, tu fais le business, tu fais des chantiers, tu ne sais pas avec qui tu te frottes. Tu ne sais pas si celui-là a fait son argent avec des mamies Wata. Tu ne sais pas si celui-là a fait des pactes avec le diable. Mais vous êtes tous ensemble. Vous entendez le terrain, vous avez cette personne. Vous allez au restaurant, vous ne savez pas la femme qui prépare. Si elle est sorcière, c'est que si la nourriture qu'elle fait sort du monde des ténèbres. Vous montez sur la moto, vous ne savez pas si celui-là est un fantôme qui peut aller sous le camion avec toi. Mais tu as abandonné Dieu pour courir vers de l'argent. Dieu dit que si tu fais ces choses-là, c'est pour il pourra te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux. Donc il y a des gens sur la terre qui marchent dans les chemins ténébreux. Pas qu'ils marchent au milieu de la nuit, non. Ça veut dire que leur voie, leur principe, ils ont signé pacte avec Lucifer. C'est ce que la Bible nous dit. Or, nous sommes en plein avec ceux-là jour après jour. Vous me suivez? J'espère que vous comprenez. Quand on dit que quelqu'un marche dans les ténèbres, ça ne veut pas dire qu'il marche quand il fait nuit. Non, non, non, non, non. Les œuvres des ténèbres se font même en plein jour. Voilà. Verset 14 dit, « Qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés, qui prennent des routes tortueuses. » Vous voyez? Il a dit, « Si, si, si. » Puis il a donné les autres, « Alors, alors, alors. » Il a donné maintenant « Pour. » Le but, quand ça va se passer, « Pour. » Maintenant, c'est un deuxième « Pour. » Et le deuxième poursuit, nous allons y atteler quelques instants. Maintenant, sur le verset 16. Pour te délivrer. Donc, si tu cherches Dieu de la bonne façon, la sagesse va venir dans ton cœur, il va parler à ton cœur, et ainsi de suite. Pas vrai? Ce qui va parler dans ton cœur maintenant, pourra maintenant, il dit, pour te délivrer de la femme étrangère. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. La femme qui parle comme ça, elle sourit comme ça, nia, maintenant ton cœur fait. Hein, frère? Des femmes, il dit, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Vous savez ce qui arrive sur les femmes? C'est-à-dire que la femme qui abandonne son mari pour aller flatter d'autres personnes. Regardez ce qui est écrit, noir et blanc dans la Bible. Vous avez vu cela? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne connaissez pas ceci, il veut que vous regardiez toute votre attention, on dit ceci, parce que ce sont des déclarations fortes. Ça peut secouer l'univers, ce qu'il veut dire là maintenant. Dieu a prévu ce genre de femmes pour faire tomber les hommes qui ne le cherchent pas. Je vous le dis. Il dit, vous me regardez comme ça, il dit, ce sont des déclarations fortes, mais c'est vrai. Des femmes au cœur perverti, Dieu les a prévues pour faire tomber les hommes qui ne le recherchent pas. Voilà pourquoi on est obligé de marcher, comme Proverbe chapitre 2, verset 1 et suivant le disent. Vous ne faites pas ça, vous allez tomber dans les femmes là. Ce style de femmes. Alors donc, il y a des styles de femmes dont le cœur a été conçu avec la perversité. Vous voulez qu'on voit dans la Bible? Hein? Vous ne voulez pas voir? Vous ne voulez pas voir la vérité? Vous voulez voir? Lisons un seul verset. Vous y êtes? Je vous ai dit aujourd'hui que de garder un livre ouvert. Quel livre? Alors au chapitre 7, lisons le verset 26, voir. chapitre 5, verset 26. Écoutez très attentivement. Le verset 26. J'ai dit que ça peut sécouler l'univers, mais c'est vrai. Mais vous allez voir effectivement ce qu'il en est. Regardez. Je vais lire le verset 26, si vous y êtes déjà. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 7, chers amis. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège. On va aller doucement maintenant. Dont la femme dont le cœur est un piège et un filet. Vous savez ce qu'on appelle filet, non? Il veut dire, quand je vais lire, je vais m'asseoir, je vais vous regarder face à face et on va parler. Et dont les mains sont les liens. Entouré, piège, filet et lien. Entouré, puis on parle, mes chers amis. Vous y êtes. Voilà. Je recommence encore. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. On dit que cette femme-ci est plus amère que la mort. Or, l'ennemi que les hommes voudraient à tout prix se débarrasser, les scientifiques voudraient se débarrasser, c'est la mort, pas vrai? On dit qu'en fait, parmi nous, il y a le plus dangereux. Vous avez vu ça? Donc, la femme qui a cette caractéristique, si elle est plus dangereuse que la mort. C'est pas la Bible qui dit? J'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Puis on dit ici, écoutez tout ça attentivement. Celui qui est agréable à Dieu, lui échappe. Vous avez vu cela? Vous avez vu pourquoi Proverbe chapitre 2, on a lu là. On dit que vous n'avez pas le choix que de faire cela. Viens t'asseoir ici. Ici. Viens ici. Il dit ici, il dit, celui qui est agréable à Dieu, lui échappe. Mais, le péché est pris par elle. N'est-ce pas ce qu'il a dit tout à l'heure? Donc Dieu a permis ces genres de femmes-ci. Dieu a fait ces genres de femmes-ci pour ces gens-là. Alors, mes chers amis, ça veut dire que vous voyez, c'est pour cela que dans le monde, vous ne pouvez pas comprendre. Je me souviens bien, il y a une femme qui est venue quelque part là. Elles ont dit qu'elles étaient des légionnaires de Marie. Pendant qu'elle parlait, c'était houleux vraiment. Je lui ai demandé, sortez votre Bible, ils n'ont pas de Bible, ils n'ont pas besoin de la Bible. Ils ne font pas avec la Bible, mais ils suivent comme ça. Ils disent que ça ne poursuit l'apostolat. Alors, entre autres choses, on a parlé, elle a commencé à dire que, donc tu veux dire que, tu as quel âge? Je lui ai dit, mon âge, tu veux dire que tu ne couches pas avec une autre femme? J'ai dit, ok, regarde très attentivement, voilà mon épouse là-bas. Avant de connaître mon épouse, j'ai fait 6 ans sans connaître des femmes. Et depuis, voilà mon épouse, voilà mes 2 enfants, c'est les seuls. Elle dit que, la Bible dit que, elle cite maintenant la Bible qu'elle rejette. Et la Bible dit que si tu regardes, il dit oui, c'est très bien. Il lui cite véritablement la parole de Matthieu chapitre 5. Que si tu regardes une femme pour la convaincre dans laquelle tu commets adultère, il dit je ne le fais pas. L'être humain ne peut pas comprendre ceci. Parce qu'ils n'ont pas compris la séparation que Dieu veut que quitte le domaine de l'argent et poursuit Dieu de cette façon. Quand tu poursuis comme ça, Dieu te met un écran dans ton cœur. De telle que tes yeux ne sont plus les yeux de convoitise. C'est le Seigneur qui peut faire cela. Il dit qu'il tient en réserve, il dit c'est un bouclier pour les hommes qui marchent dans l'intégrité. Il a dit c'est un bouclier. Je vous appelle les gilets par balles, c'est ce qu'on fait les boucliers, pas vrai? Il dit qu'il place là en haut. Alors regardez ici, il dit ici que j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège, virgule, et un filet, et dont les mains sont des liens. Hein mes chers? Ok. Les femmes nous disent, chaque fois qu'elles parlent de l'habillement, on comprend pas. C'est pour ça que j'ai demandé d'entourer ces deux choses-là. Vous avez là vu sur la terre, c'est qu'une femme a attrapé un homme avec sa main pour le lier à lui. Hein? Mais pourtant, on a dit que dont les mains sont quoi? Les? Des liens. Comment la main de la femme est un lien? Pourtant, la femme n'attrape pas l'homme pour le forcer. Donc, il faut comprendre ce que le Saint-Esprit il dit, pas vrai? On a commencé par le cœur. On dit que le cœur est un piège. Le cœur est un piège. Je veux qu'on me regarde maintenant, vous les femmes. C'est vos camarades qui disent chaque fois qu'on dit que non, soignez votre extérieur, gardez-vous pur, couvrez-vous vraiment. On dit que non. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Souvenez-vous, on ne parle pas de l'homme là-bas, c'est la femme. La question maintenant, c'est toi en tant que femme, qu'est-ce que Dieu voit dans ton cœur? Vous voyez là où on se trouve là maintenant, n'est-ce pas? Chaque fois il dit là les enseignements, vous ne saisissez pas. Qu'est-ce que Dieu, si Dieu regarde dans ton cœur, il dit souvent dans les enseignements que si Dieu regarde dans ton cœur, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir des pourritures, des possessions démoniaques. C'est ça dont je parle chaque fois. S'il regarde dans le cœur de la femme, quand vous voyez une femme qui désobéit à son mari, coupe ses cheveux, c'est une femme dont le cœur est comme ça. Ce sont des pièges. Parce que toutes les femmes qui vont dans les miroirs pour s'arrimer à la mode ont ces choses sur le cœur. Elles peuvent discuter n'importe comment, c'est ainsi dit les Écritures. Parce que le but pour lequel elle se met à la mode, c'est pour mettre les embûches sur quelqu'un. Vous savez ça, n'est-ce pas? Pour quand quelqu'un va voir, va dire... Elle va se mettre à la mode pour répondre aux exigences que la mode impose. La Bible déclare que c'est un filet. Qu'est-ce que c'est que le filet? Remarquez très attentivement que vous êtes derrière la pêche. Il y a plusieurs façons de pêcher des poissons. Vous pouvez lancer votre hameçon et rester là et attendre. La probabilité que le poisson puisse venir dans cette zone-là, sur ce fil-là, est minime, pas vrai? Vous pouvez y aller également avec des baskets, paniers. Vous entrez vous-même dans l'eau, essayez de chercher. Là, maintenant, il va falloir que vous soyez dans la zone où il y a assez de poissons. Mais le filet, lorsqu'on lance le filet, ça occupe un vaste territoire. Le filet entrant dans l'eau, maintenant, beaucoup de poissons peuvent y entrer. Vous voyez, vous avez la probabilité plus grande d'attraper le poisson. Vous tirez le poisson doucement, le filet doucement, pas vrai? Alors, la Bible déclare que le cœur de cette femme, c'est un filet. Donc, ça veut dire que la pensée qui vient sur le cœur, elle va atteindre beaucoup de cibles. Mais, en lisant notre proverbe, chapitre 2, Dieu nous dit que si on s'éloigne de l'argent, pour le rechercher comme on cherche de l'argent, il va nous préserver celle-ci des femmes. Quand on vient vers lui, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous parle, il va nous donner une révélation concernant les femmes qui sont des pièges autour de nous. Vous y êtes? Vous y êtes? Non, dis ça. Si vous permettez, on va avancer. Verset 18. Verset 17 dit, qui abandonne, on parle comme ça de la femme, cette femme-là, hein? Qui abandonne, verset 17 des Proverbes, puisque nous sommes en Proverbes chapitre 2. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Vous avez vu cela? Vous pouvez lire cela encore dans Malachie. Là. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Donc c'est une femme qui est mariée, qui a fait alliance avec quelqu'un qui l'aime dès la jeunesse et qui oublie même l'alliance. Elle s'en fout même de ce qu'elle a fait avec Dieu. Elle a oublié qu'elle a fait un pacte avec le Seigneur. Puis il dit, car sa maison penche vers la mort. Donc ça veut dire ceux qui vont vers cette femme-là. Vous allez voir des jeunes garçons vont dire, ah moi je fabrique l'autre. Moi je fabrique l'autre. J'ai le moule. Je suis fait en bois. Il n'y a pas un bois, tu vas brûler bien en enfer avec cela. Puis, et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle n'y revient. Vous avez vu, c'est ce que la Bible qui a dit. Il n'y a aucun de ceux qui vont à elle n'y revient. Pourquoi? Parce que son cœur est un piège. Quand elle tombe dans son piège, elle dresse des filets. Puis, elle te tient avec la main. On va parler de toutes ces choses-là. Puis, il dit ici, aucun de ceux, verset 19, aucun de ceux qui vont à elle n'y revient. Et ne retrouve le sentier de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Donc, ça veut dire qu'en suivant les préceptes du Seigneur, pas vrai? Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront. Ça, c'est une prophétie. Le pays, les hommes intègres y resteront. Puis il dit, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Donc, quel qu'en soit ce qui arrive, Dieu veut nous faire comprendre que, un, nous sommes mélangés avec les méchants. Mais les voies de l'un et l'autre vont conduire quelque part. Il y aura un jugement qui va séparer et établir les uns pour un endroit. Les qui seront en héritage et d'autres auront dans leur héritage de l'ignominie. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre, pas vrai? Mais très attentivement maintenant. Le vrai problème maintenant, c'est que dans ce mélange dont nous vivons, se trouvent dans les bons, comme on a vu là, les justes là, les intègres et autres. Nous nous trouvons à l'intérieur. Beaucoup de choses nous arrivent qui leur arrivent également. C'est-à-dire, beaucoup de choses nous arrivent. Quand il parle maintenant des choses qui nous arrivent, ce sont les choses, les mauvaises choses qui nous arrivent. De telles enseignes qu'on veut suivre les mêmes voies que ceux-là font. On admet même, on va admirer même ce que les méchants font pour réussir. On admet même cela. Des chrétiens même qui se lamentent et murmurent jour après jour par rapport à leur sort parce qu'ils servent Dieu depuis, rien ne change. Ça se passe. Parce qu'on traverse dans les situations. Donc, je veux ce soir que nous parlons de la compréhension derrière les épreuves de Dieu. Et je crois que c'est... Voilà, vous voyez là où lui nous a amené ce soir maintenant. La compréhension derrière les épreuves de Dieu. La compréhension. Si on ne comprend pas cela, on va continuer à murmurer. Si vous voyez qu'il se fait tard, levez seulement le doigt comme ça pour que je sache que c'est fait tard, que je puisse arrêter. Parce que si on commence là vraiment, si c'est fait tard, si c'est longtemps là, on passe à une deuxième partie la prochaine fois. Mais je veux qu'on introduit. Donc ça c'était l'entrée en matière pour arriver ici. Donc le fait qu'on poursuit l'argent chaque fois, comme le monde le font, ils font comme ça parce qu'ils ont un soif de satisfaire ce qui est dans leur propre désir. Et la Bible nous a donné le renseignement que, en fait, il faut que vous sachiez que les hommes cherchent de l'argent, tout ce qu'on fait sur la terre là, c'est pour la bouche, et donc les désirs ne sont pas satisfaits. Or, les chrétiens, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, doivent savoir effectivement qu'ils sont arrivés au niveau de la satisfaction, au niveau de là où quelqu'un gère et autogère leur vie. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est autrement dit, on ne doit pas se livrer à la course effrénée de l'argent comme cela. Or, dans cette vie-ci où il y a ce mélange de bons et de moins bons, tout arrive à tout le monde, y compris et le plus spécialement à ceux qui craignent Dieu. Et donc, le Seigneur veut que nous comprenions donc les choses qui se cachent derrière ces épreuves, le but de ces épreuves, pourquoi il le fait, la nécessité qui est même les épreuves de là-dedans. D'accord, frères et sœurs? Bon. Maintenant, il n'y a pas mieux que le peuple d'Israël. Il n'y en a pas mieux que le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël est la loi physique qu'il a donnée pour la compréhension humaine de ses principes. D'accord? Il dit bien, le peuple juif, c'est le peuple de l'Alliance. C'est la loi physique qu'il a donnée pour la compréhension de ses principes. Et c'est parce que je me suis fait, quand il parle comme ça, vous me comprenez. Si vous ne me comprenez pas, vous méditez-y. Alors, Israël est choisi par Dieu. Nous sommes d'accord? Je vais aller vraiment doucement ici pour qu'on ne puisse pas se comprendre. Ces choses, vous remarquez bien que l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 tout à l'heure là, quand nous avons lu verset 3 puis le verset 6 à 8, il a dit là que c'est que Dieu veut. Donc Dieu cherche à exprimer sa volonté aux hommes. Dieu cherche à ce que les hommes puissent comprendre ça, quelle est sa volonté. Parce que ce Dieu infiniment grand, il a mis des choses matérielles qui sont devenues des choses physiques. Donc j'ai posé la question ici dès le départ, est-ce que nous connaissons les nombres? On n'a pas pu, on a dit qu'on ne connaît pas le nombre. Est-ce qu'on pourra connaître le nombre? On a dit, l'être humain ne pourra pas connaître le nombre. Et celui qui l'a fait est invisible. Comment donc le comprendre, le connaître, si on ne peut pas connaître ce qui est physique? Et le Seigneur Jésus avait dit sur la terre, si vous parlez des choses terrestres, vous ne comprendrez pas. Quand je parlerai des choses célestes, comprendrez-vous? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, comment donc Dieu veut se faire comprendre? Dieu veut se faire comprendre aux hommes au travers des différents principes qu'il a mis aux côtés de nous, qu'il a tracés, mettre à notre disposition pour que, en les assimilant, nous comprenons que nous sommes en règle avec lui. Voilà pourquoi il met ses préceptes. Voilà pourquoi il met ses préceptes. Il ne les met pas écrits. Nous allons voir pour le but de l'écriture. Pourquoi il est écrit toutes ces choses là-bas. Alors, Dieu donc a déposé des choses donc en Israël. En Israël, quand il parle en Israël, en Israël en tant qu'être. Pas Israël en tant que peuple, en tant que pays, pas frère, et pas des êtres humains appelés Israël. Alors donc je dis, pour comprendre ces choses-ci, il est question que nous allons suivre un peu cette trace-là et voir tout ce qui leur est arrivé pour voir ce qu'il en est avec cela, avec les personnages, tous les personnages, toutes les choses qui sont écrites dans la Bible, dans le passé, nous servent d'exemple pour que nous comprenions ces choses-là. Le but pour lequel nous sommes et nous croyons en Dieu, c'est de grandir en lui et de savoir ce qu'il attend de nous. Nous sommes d'accord? Et donc, dans cette marche, tant de me dire, dans cette marche, des choses nous arrivent et nous sommes surpris et nous pensions que ça ne devrait pas nous arriver. Aujourd'hui, il y a même des prédications où on dit que si tu souffres, ça veut dire que tu as été maudit parce que la nouvelle créature ne doit pas souffrir. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Mets la main sur la tête, dans les poches. Dis que tu es un Dieu. Dis que tu es un roi. Les rois ne souffrent pas, les rois vivent dans le palais. La personne qui fait comme ça, là, il fait comme ça après qu'elle finit la réunion, sa femme et ses enfants fassent passer le panier. Le roi passe le panier quelque part. On utilise sa stratagème pour que tu donnes. Je vois quelqu'un, tu peux donner 500 000 ici. Donne 500 000. Le roi fait des commandes comme ça. Voilà. Le roi reste automatiquement. Les choses se règlent avec lui. Nous sommes d'accord. Le roi reste automatiquement. Les choses se règlent. Il suffit que le roi fait comme ça là. Il sort des décrets. Il suffit que le roi fait comme ça. Le roi décrète. Le roi ne demande pas au ministre des Finances que... S'il te plaît, ministre, il y a combien dans la caisse? Il dit, je veux 4 milliards dans la caisse demain. Si tu dois donner 4 milliards, c'est à toi de faire qu'il y ait 4 milliards là-bas. Il donne les ordres. Mais notre style de roi chrétien qu'on dit maintenant, on finit de faire comme ça, après on commence à bavarder. Je suis à terre et non en bas, je suis en bas et non en haut, je suis en haut et non en bas, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Après, quand tu ouvres les yeux, tu cherches le tapioca pour manger, tu ne vois pas. La réalité est tout autre. Parce qu'on veut faire à tout prix oublier ces principes-ci. Sinon, nous, ce sont ces principes qui nous gardent. Et on nous a dit là dans la Bible que celui qui rejette ces principes-là ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu. En fait, même si tu rejettes ces principes et tu essaies de faire croire que tu ne rejettes pas et que tu n'as pas rejeté Dieu, les principes-là sont censés être gardés dans la voie de Dieu. Donc, tu peux faire comme ça, t'écarter de Dieu, suivre autre principe, ne suivant pas Dieu. D'où la nécessité de comprendre quoi? Le titre, c'est quoi? La compréhension derrière les épreuves de Dieu. Pourquoi Dieu éprouve? Est-ce nécessaire qu'il y ait les épreuves? Bon, je vous pose la question. Dieu connaît toutes choses. Oui ou non? Mm-hmm. Il savait que nous serions ici aujourd'hui avant de dire que la terre soit. Oui ou non? Amen. Il savait avant qu'il ne crée les cieux, la terre et tout ce qu'il trouve que je serai en train de parler des cieux maintenant en disant qu'il va créer les cieux et la terre et tout ce qu'il trouve. Mm-hmm. C'est ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il sait avant que nous demandions quelque chose dans la prière. Il sait ce que nous avons besoin. Il ne sait même pas ça en ce moment-là, il sait ça longtemps avant qu'il ne te crée. Que ce jour-là, tu demanderas. La question maintenant, c'est pourquoi demande-t-il donc de demander? Vous voyez, n'est-ce pas? La question, c'est pourquoi demande-t-il de demander? C'est Jésus qui a dit que demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Puis il dit là-bas que les oiseaux du ciel ne sèment pas une moisson. Leur père, ça, il dit ce sont les païens du monde qui cherchent ces choses-là. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le demandiez. C'est ce qu'il a dit. Amen. Il dit que Dieu sait ce que nous avons besoin avant que nous lui demandions. Mais il dit demandez. Il parle maintenant. Ésaïe 48. Allons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 48. Ésaïe, le chapitre 42. Comme nous sommes dans le Proverbe, vous avancez tout simplement. Je vais vous lire quelque chose avant qu'on va mettre les jalons là-dedans. Vous voyez les chrétiens aujourd'hui, vous saluez un chrétien, ma soeur ça va, il dit que Dieu règne. Alors que tu as posé la question, ma soeur ça va, il te dit que Dieu règne. Est-ce que Dieu ne règne pas? On dit qu'il était sur son trône même du jour du déluge, pas vrai? C'est pas ça mes frères. Mon frère, ça, comment tu vas? Tu entends tchup, ça va, pss, la longueur de Dieu, tu montes la durée, c'est le problème. Ésaïe 48. J'aurais souhaité prendre un verset là rapidement, mais on va lire le verset 1 à 11. 48. Donc, c'est le verset 8, la partie c'est qui nous intéresse. Mais je veux qu'on lise doucement pour que vous saisissiez. Parce que j'ai dit, on va parler à Israël. Écoutez ceci, maison de Jacob. Vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sorti des eaux de Juda. Vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le nom de Dieu, le Dieu d'Israël. Le nom, vous et qui invoquez le Dieu d'Israël. Vous voyez, il s'adresse ici aux croyants. N'est-ce pas? Maintenant, suivez attentivement. Mais sans vérité ni droiture. Nous sommes dans Isaïe chapitre 48. Mais sans vérité ni droiture. Vous invoquez son nom. Il dit vous. C'est le peuple de Dieu là-bas. Ils invoquent Dieu sans vérité ni droiture. Gardez toujours à l'esprit les hommes intègres et les droits qui marchent là-bas s'ils écoutent les préceptes de Dieu. Comme vous avez lu dans Proverbe chapitre 2. Verset 2. Car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci. Verset 4, souvenez le verset 4. Sachant que tu es endurci. Et que tu as un nom, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front d'airain. Oui, le cuivre, si vous voulez. Je t'ai annoncé. Arrête ça. Mets ça ici. Mets ça ici. Que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent. Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a fait. C'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles. Cachez inconnu de toi. Elle se produit à présent et n'appartient point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Verset 8, écoutez attentivement, nous allons nous arrêter là-bas. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée. Deux points, car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Ça, c'est un vrai problème maintenant à résoudre. Nous avons posé des questions, nous sommes arrivés à la conclusion d'abord dès l'entrée que Dieu connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Il nous donne le renseignement sur ce qu'on appelle Israël là. Il dit qu'ils invoquent son nom, mais ce n'est pas dans la droiture. Mais après il nous révèle au verset 8, c'est la partie C. Il dit quoi? Il dit qu'ils savaient que dès la naissance, ils étaient rebelles. La question c'est, la naissance d'Israël a commencé où? En Abraham. Il dit, en toi sera appelée une postérité. Donc quand Dieu dit comme ça, là, il connaît exactement toutes les rébellions qui vont se passer. Pas vrai? Quand Israël naît, Israël sait qu'il est rebelle. Mais Dieu dit qu'il lui connaissait. Alors maintenant, Dieu donc connaît donc tout ce par quoi nous allons passer. Et il les a préparés. Comment il va faire? Quand il va manifester donc, il utilise donc les épreuves pour nous les présenter que nous avons besoin de lui. Que nous sommes dans des sales draps, nous avons des choses enfouies en nous qu'il va falloir être nettoyées. Qu'il va falloir nettoyer. D'accord? Dieu donc appelle Israël. Pourtant, ce n'est pas que Israël désobéit à Dieu. Dès le départ, Dieu savait que ça allait se passer comme ça là. Mais normalement, si vous allez être, vous savez que le chemin, si en route là-bas, il doit avoir des obstacles. Normalement, tout naturel, en tant qu'être humain, on va chercher à chemin, le chemin où il n'y a pas d'obstacles. C'est pas ça, frère. Si vous savez qu'en parlant là-bas, le pont qui est là-bas est cassé. Vous cherchez comment vous allez passer par votre chemin pour éviter le fait que le pont est cassé. Mais Dieu dit ici qu'il savait qu'Israël serait rebelle. Il dit dès sa naissance même, il a été appelé rebelle. Donc quand Israël est sorti du ventre, on a dit rebelle. Donc, c'est que vous allez voir le parcours. Si vous ne voyez pas dans les prophéties, comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, tous les parcours des Juifs, les tétitesses qu'ils vont avoir avec Dieu, la manifestation qu'ils vont avoir avec Dieu, vous dites, comment Israël, ils peuvent entendre la voix de Dieu, ils sont rebelles comme ça. C'est parce que dès la naissance, ils ont été appelés. Maintenant, ça, c'est ce qui est écrit d'eux. Et toi, alors, aujourd'hui? Et toi? Pourquoi donc Dieu peut donc dire qu'on le cherche comme on cherche l'argent? Tu dis, ah, et on va manger quoi? Dis à quelqu'un là maintenant que passons 4 jours dans le jeûne, il va dire que non. 4 jours dans le jeûne, il dit oui. Sans sortir, oui. La chose naturelle vient, c'est que il veut manger quoi? 2. Mes enfants vont faire comment? Le bailleur va venir demander l'argent, va payer comment? L'électricien va payer avec quoi? Au travail, on va dire quoi? Tout naturel. Ces questions-là vont commencer, ces questions humaines-là vont commencer à surgir. Je reste à la maison, je mange quoi? Mais Dieu dit ici qu'il a prévu cela, que Israël est dès sa naissance rebelle. Souvenez-vous, on dit dès sa naissance, il a été appelé rebelle. Pas qu'il a fait quelque chose dès la naissance pour qu'on puisse l'appeler rebelle. On dit qu'il a été appelé rebelle dès sa naissance. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Ça, c'est Ésaïe 48. Maintenant, allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. Voyons quelque chose. Deutéronome, le cinquième livre de la Bible. Hein? Deutéronome, c'est merveilleux seulement, comme les versets ne sont pas nombreux, lisons-les seulement. C'est merveilleux, frère bien-aimé. C'est merveilleux, sœur bien-aimé. Que Dieu, notre Père, vous fasse comprendre ces choses-ci. Alors, vous voyez les chrétiens qui, leurs joues sont tordues, pas parce que c'est la maladie, mais parce que la durée de leurs mains sur la joue. Pourquoi je souffre comme ça? Ok, tu ne voulais pas souffrir, tu voulais que qui souffre? Tu voulais que ça arrive chez qui? Moi, je suis venu accompagner les gens sur la terre. Oui. Tu voulais que qui accompagne? Moi, j'ai la malchance, j'ai le poids. Je suis poisseux. J'ai le sang du maquereau. Même pour le capitaine. Ce que vous ne saisissez pas, c'est que... Regardez-moi. Regardez. Ce que vous ne saisissez pas, c'est que... Dieu... Dans son naissance, est croissant de façon monotone. Dieu, dans son naissance, est croissant dans sa façon de faire, est croissant. Mais il y a un autre qui lui est contraire, et si c'est contraire, il va dans le sens décroissant. Permettez-moi, j'ai dit que vous prenez Deutéronome 8, il faut que j'explique cela parce que vous allez voir cela tout au long des Écritures. Je vais seulement dire ces principes-là pour. Ce sont des choses que si on assimile, on n'aura pas de problème avec la marche avec le Seigneur. Il dit bien, Dieu, dans son essence, est croissant. Vous avez su ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il y a un autre qui lui est contraire, qui lui va dans le sens contraire, donc la décroissance. Vous allez voir que Dieu se révèle de façon croissante. On quitte de quelque part, quand on était petit, on a dû grandir pour aller quelque part dans la maturité. Quand vous mettez une semence, c'est petit, ça pourrit, ça grandit pour développer. Quand un manguier est petit, ça commence par une semence, ça pousse doucement pour aller vers un grand manguier. Vous voyez, ça part dans le sens du développement, de la croissance. C'est pas ce que c'est ici. Alors c'est comme ça la marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur, normalement, vous commencez dans les difficultés. Vous croissez dans les difficultés jusqu'à ce que vous allez maintenant là où vous allez avoir le repos. Vous commencez dans les détresses, vous avancez, vous comprenez ces choses pour laisser Dieu à l'œuvre. Vous allez dans le lieu du repos. Parce qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Quelqu'un se repose lorsqu'il est. Mais c'est quand même terrible ça. Si vous reposez ça, parce que vous avez été. C'est quand même terrible ça. Et dans la vie, vous reposez pourquoi? Quand vous êtes fatigué, non? Comment vous ne comprenez pas? C'est pas moi qui c'est vous. Est-ce que vous reposez quand vous ne travaillez pas? Vous reposez parce que vous êtes fatigué. Alors Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc quelque chose va vous pousser à ce que vous soyez fatigué pour que vous entrez dans le repos. On commence par la fatigue pour aller se reposer. Satan, lui, il a commencé dans la gloire, le chérubin. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il commence dans la domination. Sa fin, c'est la destruction plutôt. Donc il va dans toute sa gloire. Partout, c'est les ténèbres qui règnent d'abord. Ténèbres viennent toujours d'abord faire le vent, après il en train de diminuer jusqu'à ce que la lumière vienne maintenant. Pendant que les ténèbres sont en train de. Ils commencent dans la croissance. Pendant ce temps, la semence de Dieu, les choses de Dieu sont petites. Pendant qu'il fait diminuer, c'est les choses de Dieu qui avancent jusqu'à ce que Dieu vienne maintenant à prendre la souveraineté, lui disparaît. C'est comme ça. C'est pour cela donc que les difficultés sont primaires dans nos vies. Mais ces difficultés-là nous amènent quelque part. Ça ne demeurera pas à toujours. C'est ce que la Bible a dit par le prophète dans Ésaïe chapitre 8, que mais les ténèbres ne régneront pas à tout toujours. Donc les ténèbres règnent. Ils règnent, ils dominent. Les ténèbres exercent les dominations, mais ils ne régneront pas à toujours. Vous suivez ça, n'est-ce pas? Donc dès la Genèse, vous pouvez voir cela, dès la Genèse, la terre était informée vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Vous avez vu? Les ténèbres sur la surface de la terre, ils avaient envoyé. Puis Dieu dit que la terre soit. Donc les ténèbres sont venues avant. C'est ce que vous comprenez. C'est pour ça que vous l'admettez ou non. Que vous l'admettez ou non. Vous ne voulez pas accepter ou non. Vous avez d'abord régné avec les ténèbres. D'une façon ou d'une autre. Vous avez d'abord régné avec les ténèbres. Vous avez d'abord goûté le péché. Avant de commencer à comprendre maintenant Dieu pour sortir de là. Vous sortez de la boue pour aller dans le nettoyage. Vous sortez de la boue pour entrer dans le nettoyage. Dans ce qui est propre, dans ce qui est saint. Vous ne sortez pas de saint là maintenant. Ok, maintenant, connaissant donc ces choses, souvenez-vous, regardez à l'esprit que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 48, maintenant, le verset 8, la partie B, que Dieu a dit à Israël que je savais dès ta jeunesse que tu serais têtu, pas vrai? Dès ta jeunesse. Donc, quand il a choisi, il savait. Maintenant, lisons Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 1. Deutéronome chapitre 8. Par la suite, je vais donner le verset. Nous allons prendre ça, quoi qu'on va s'arrêter en lisant Deutéronome là, puis en parlant, dans la deuxième partie, nous allons développer. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. On parle d'Israël ici. Israël dont on a parlé dans ces Ésaïe chapitre 48, là, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je recommence, je vais lire encore le verset qui est dans regarde, verset 8, partie B, de C, de K, d'Ésaïe 48. Car je savais, c'est Dieu qui parle là, je savais que tu serais infidèle. Mais c'était quand même terrible comme déclaration. Donc, il dit, je savais, ça c'est dans le passé, que tu serais, donc dans le futur, que celui-ci serait un infidèle. Donc, ça veut dire que Dieu, en le choisissant, savait qu'il ne devait pas marcher dans ses voies. Mais il l'a quand même choisi. C'est quand même terrible, il dit, c'est fort. Il dit, puis il justifie le pourquoi. Comment il savait et qu'il a choisi, il dit, car dès ta jeunesse, tu fus appelé rebelle. Dieu veut dire en langage simple d'aujourd'hui que je ne te connais pas aujourd'hui. Donc, ton agissement ne me surprend pas. Avant de te choisir, je savais que ça devait arriver comme ça. Vous saisissez ça, frère? Alors maintenant, rentrons donc voir Israël. Nous allons voir, ça c'est quand ils sont sortis de l'Égypte. quand ils sont sortis de l'Égypte et que Dieu leur donne des choses, il avait fait la promesse à Abraham et à Isaac et Jacob que Dieu va donner le pays à leur père, d'accord? Dieu va donner les instructions et s'y suivent attentivement. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin, souviens-toi de ceci, qu'il a fait cela afin de t'humilier et de t'éprouver, souligner, humilier et éprouver. Vous avez suivi? Il dit que Dieu a fait cela afin de, donc Dieu ferait sa valeur sur le but. Donc, Dieu a fait que les êtres humains qu'il a choisi et qu'il a destiné de leur donner le pays. Ah mon Dieu, quel Dieu nous avons servi. Donc, il dit qu'il les a fait 40 années dans le désert. Même le mot désert, déjà, c'est une persécution, mais déjà. Il dit le mot désert, c'est une persécution. Vous savez, moi, il dit qu'il a fait 40 années. 40 années, c'est beaucoup, pas vrai? C'est pas 40 heures, pas 40 jours, 40 années. Et certainement, certaines personnes durant ces années sont mortes là-dedans. Pas vrai? Durant ces 40 années, il dit que le but pour lequel il faisait passer dans ces déserts-là, c'est afin de les humilier. Alors, je recommence encore pour vous comprendre. Je sais pas, je reviendrai pour vous saisir. Ésaïe 48 dit qu'avant de le choisir, il savait qu'il serait infidèle. Pas vrai? Dès la naissance, ils sont appelés rebelles. Il y a des façons dont on traite les rebelles. Il faut qu'ils fassent que ce qui est en eux puisse sortir pour qu'ils sachent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les sauver. Vous savez, si on suit Dieu et on est dans le confort, on croira qu'on est conforme à ses principes. Si on suit Dieu et qu'on est dans le confort, on croira qu'on est en règle avec ses principes. Mais au travers des épreuves, Dieu veut nous faire ressortir le vrai nous qui est à l'intérieur. Les mimis sortent de l'intérieur, les mauvais désirs sortent de l'intérieur, dit Jésus dans Matthieu chapitre 15, pas vrai? Pourquoi il doit avoir le mimis? Quand par exemple, tu vas en tant que chrétien, tu vas déposer le dossier pour avoir un emploi, pour avoir n'importe quoi, un crédit ou n'importe quoi, et tu ne l'obtiens pas, et qu'un mondain qui pratique même dans la sorcellerie, pas, il l'obtient. D'autres, tu les vois détournés. Il connaît une relation qui fait la corruption. On lui donne. Toi, tu sais tellement que tu ne t'en fais comme ça là. Alors que tu as gêné et prié pour cette situation, tu es sûr, tu étais sûr dans la foi que tu devais l'avoir. Tu ne parviens pas à l'avoir. Tu vois ce qui se passe, n'est-ce pas? Ce qui se passe maintenant, c'est que tu vas me dire que. Il a même fait quoi pour mériter. Là. Pourquoi je fais même Dieu là? Et le monde vient encore t'étaguer, mais je crois que ton Jésus là devait faire cela. Que je crois que ton Jésus. Où est ton Jésus que tu dis que tu sais? Depuis que tu gênes, tu pries là. Où est ton Saint-Esprit qu'on dit là? Je crois que quand tu es gêné comme ça, le ciel devait s'ouvrir. Dis à ton voisin, attends seulement. D'accord? C'est ici, n'est-ce pas? Alors, il vient te narrer comme ça pour que tu te dises où est ton Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait en bloquant? Pour que tu saches qu'en toi, il y a la semence des murmures. Voilà pourquoi il le fait. Quand vous allez lire l'histoire des jours, vous allez voir que Dieu, l'histoire, c'était normal. Enfin, on ne peut pas faire autrement parce que Dieu fait tout ce qui est normal. C'était normal que Dieu le fasse passer. Ou effectivement, que dans chaque action, Dieu met exactement ce qu'il faut. Donc pour eux, c'était 40 années. Dieu n'a pas répété ça pour un autre peuple. Il n'a plus répété ça avec une autre personne. Il le fait comme ça parce que c'est que voici la solution. Dieu connaît la solution. Dieu a le remède idéal pour résoudre chacun de nos difficultés, chacun de nos problèmes. Dieu les a entièrement. Alors Dieu a vu donc, Dieu a prévu donc ces 40 années qui est suffisant pour eux pour pouvoir leur faire ressortir ce qu'ils ont sur le cœur. Vous avez vu les Juifs, n'est-ce pas? Ils ont commencé à manger la manne que personne ne connaissait. La manne, quand ils mangeaient, ils ne tombaient pas malades. Pendant 40 années, ils n'ont pas eu les chaussures percées, ni les chaussures, les ampoules aux pieds. Vous voyez, quand ils mangent des mannes, après ils s'énervent comme ça, il dit, Moïse, ta tête tient bien. Vous avez là vu quelqu'un sur la tête qui mange la même nourriture chaque jour, matin, midi, soir. Oh, la nourriture que Dieu leur donnait était suffisante. Il dit que nous voulons la viande. C'est la viande qu'ils mangeaient aujourd'hui. Quand on était en Égypte, vous voyez là cela, quand on était en Égypte, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de tourner derrière. C'est le style des mondains comme l'autre, la femme de l'autre là. Qui sort quelque part, ils regrettent la vie qu'ils avaient là-bas. Vous voyez, la femme de l'eau pouvait dire que non, j'ai mon diplôme en administration fiscale là-bas qui brûle. Quand il part devant, vous avez trouvé le travail avec quoi? Mon diplôme en deux, il brûle dans les dents. Pas vrai ça? Souvenez-vous de ceci. Dieu permet toutes ces choses pour ressortir les choses qu'il ne veut pas en nous. Amen. Je ne sais pas où c'est ici. Maintenant, vous expliquer un peu quelque chose. Regardez bien. il veut pour votre attention. Il ne sait pas si vous avez vous savez ça, mais c'est quand même enfin. Comme le sou ne connaissait pas sur le plan scientifique, ça se trouve dans la Bible. L'or se trouve dans les profondeurs de la terre. Vous savez ça, hein? L'or se trouve dans les profondeurs de la terre. Donc, pour l'avoir, il faut creuser la boue. Et c'est la chose qui brille le plus qu'on peut avoir sur la terre, avoir le cristal. Pas vrai? Le cristal vient du profond de la terre avec la pierre encastrée. Pas vrai? Vous me suivez? Mais il se trouve dans la boue. Il faut creuser la terre, creuser la terre. Quand vous creusez la terre, souvenez-vous, vous faites de la terre. Vous faites du mal à la terre pour trouver ce qui est enfoui à l'intérieur qui est précieux. C'est pas ce que vous comprenez. Lorsqu'on a pris, on prend cela dans cette terre-là, c'est entaché avec de la boue, la saleté. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On lave, hein? Comment on fait ça? Donc, vous pensez qu'on nettoie avec les mains comme ça, l'eau brille. Ça brille pourquoi? Ça brille uniquement après avoir passé. Il veut ça, il veut que tout le monde le dise. Ça brille uniquement après avoir passé par. Voilà, c'est la solution là-bas. C'est ça, hein? Ok. Donc, les épreuves, la fournaise qui nous tourne autour là, c'est pour faire sortir l'or. C'est ça, c'est écrit dans la Bible, là, comme ça, dans le livre de Pierre. C'est ça, hein? Ok. Maintenant, Dieu donc va choisir Israël. Et il sait qu'il est rebelle. Il sait qu'il serait infidèle. Oh, Dieu est fidèle. Il veut faire que l'infidèle devienne fidèle. Comment il va faire? Il le met donc dans l'épreuve. Et le plus bon dans ces films aussi, c'est Dieu ne te dit pas ce qu'il a en train de faire. Ça, c'est le meilleur endroit du scénario du film. C'est-à-dire, il ne t'informe pas. Tu te rends seulement compte que tu es à l'intérieur. Quand tu te rends compte que tu es dans le film, tu te dis que qu'est-ce qui? Il dit dans son cœur que continue à murmurer que ça change la situation, on voit. Pourquoi on sait Dieu, homme? Pourquoi on sait Dieu? J'aimerais bien être comme moi. Moi, j'ai quitté le monde pour venir chez Dieu. Il ne sait pas qu'il y a des difficultés comme ça. Il ne sait pas qu'il y a des difficultés. Tu es à l'intérieur, donc sors alors. Souvenez-vous que si vous sortez dans son film, vous êtes dans l'autre partie du film qui joue dans la bande en sens contraire. Il dit, si vous êtes dans le film de Dieu et qu'il y a des difficultés, vous fuyez le film là. Vous vous trouvez dans la salle des spectateurs. Donc là-bas, c'est un autre film qui se joue là-bas. Ok. Donc en réalité, que ce soit à l'intérieur du film ou hors du film, vous ne pouvez pas le fuir. Vous ne pouvez pas lui échapper. Donc c'est mieux que vous laissez qu'il vous fasse jouer son film tranquillement. Alors ce que je sens de vous la dire, c'est ici. Pour faire sortir de ce qui a des fidèles en nous, de ce qui est éprouvé par le feu, enfin, de ce qui est de façon qui est précieux, il faut que ça passe par le feu. Et le voici encore la situation, c'est pourquoi j'ai posé la question dès le départ. Comme vous ne pouvez pas énumérer les choses qui existent sur le plan physique ici sur la terre, comme son nombre est infini, vous ne pouvez pas les énumérer, ainsi en est-il des épreuves. Vous ne pouvez pas énumérer les différentes épreuves par lesquelles Dieu peut nous faire passer. Ton épreuve peut ne jamais surgir encore sur la terre pour une autre personne. Chacune personne a son épreuve. Donc, Dieu a la seule université, la seule école où tu ne peux pas regarder l'épreuve de quelqu'un et tricher. Parce que vous n'avez pas les mêmes épreuves. Vous n'êtes pas en train de composer sur le même sujet. Parce que vous n'avez pas reçu le même cours et assimilé le même cours. Dans la même classe avec Dieu, naître de nouveau le même jour, donner votre vie à Jésus le même jour, le lendemain, vous composez différentes épreuves. Suivez ça, frère. Allons-y dans le désert. Dans le verset 2 dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Vous avez vu? C'est lui qui avait dit à Moïse que fais les faire sortir du désert. Quand tu vas les faire sortir, ils viendront ici. Donc, celui qui a destiné à tracer le parcours. Ça ne coûtait rien à Dieu. Remarquez bien, si on va même depuis l'Égypte en train de les poursuivre, vous allez voir. Ça ne coûte absolument rien à Dieu. De fermer les yeux comme il a fermé quand il s'agissait d'Élysée pour que les ennemis qui venaient les arrêter marchent comme ça avec les yeux ouverts mais ne voyant pas la personne qu'il a voulu chercher jusqu'à ce qu'on les conduit vers leur ennemi. Ça ne coûtait rien à Dieu de fait que tous les Égyptiens sans exception restent comme ça posés pendant que les Juifs, c'est-à-dire que restaient comme ça, je ne sais pas comment ils avaient mis pause pendant que les Juifs sortent en les dépouillant, tout le monde sort pour aller. Ça ne coûtait rien à Dieu de les faire qu'ils disparaissent et tous les Égyptiens disparaissent, les Juifs sortent tranquillement. Ça ne coûtait rien à Dieu. Nous sommes d'accord là-dessus. Il a voulu qu'il sorte dans l'adversité. Il a voulu qu'il sorte dans l'adversité pour que son nom soit reconnu comme grand sur la terre, celui qui délivre de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il laisse en face de l'ennemi, il te délivre en face de l'ennemi. L'ennemi croit qu'il va t'avoir. Il croit qu'il a le dessus sur toi. Le plus grave, c'est que toi, tu vois l'ennemi, tu ne vois pas Dieu qui est ton protecteur. C'est ça le plus grave. C'est pour ça qu'il dit dans le film là, il y a des paramètres terribles. C'est-à-dire le plus grave, c'est que tu vois l'ennemi devant toi. Alors, il va les conduire dans le désert. Puisqu'on a suivi depuis l'Égypte, allons dans le livre d'Exode chapitre 14, où on se retrouve devant la mer. Israël marche. Moïse n'a pas la cartographie du désert. Il marche jusqu'à ce qu'il arrive devant la mer comme ça, il dit que ma part est venue sur la terre ici là. Il m'a pas mis ça. Moïse, il n'a pas informé qu'il devait arriver au niveau de l'air. L'humour était surpris devant le pays, il était en plein là-dedans. Il marche toujours avec les promesses blancs. Quand il avait rencontré Dieu, il lui pose la question, qu'est-ce que tu as en main? La question, qu'est-ce que tu as en main, n'a jamais changé pour Dieu. C'est un bâton. Le bâton, un temps, se tend en serpent. Un temps, on lève, ça frappe seulement l'eau. Un temps, on frappe sur le rocher, c'est l'eau qui sort. C'est le bâton. Alors, il s'est tenu là-bas comme ça. Wow. Il a guetté à l'eau. Devant comme ça, il y avait l'eau. Et il faut traverser. Derrière eux, chemin retour, c'est l'ennemi qui vient. À gauche, c'est le vaste étendue des montagnes. À droite, c'est le désert incertain avec les scorpions. Il est au milieu. Entre temps, il voit la fumée du sable entre les montagnes. La fumée, comme ça, c'est le chevauchement de l'ennemi qui est devenu avec le chariot. Maintenant, les vraies valeurs de l'être humain commencent à sortir. Moïse, on t'avait bien dit de nous laisser en Égypte. Cette parole, c'est Moïse. Ne t'avons-nous pas dit de nous laisser tranquille là-bas? On aurait mieux souhaité souffrir. On nous frappe le dos, mais que le soir, on est le concombre. Tu nous as amené ici. Vous voyez, l'être, c'est ça que Dieu veut. Voilà pourquoi il a placé cette difficulté-là. Il n'a pas informé Moïse qu'il serait bloqué comme ça. Il n'a pas informé Moïse que l'ennemi va les poursuivre. Il a attendu que l'ennemi les poursuive jusqu'à la fin. Vous voyez ce que Dieu peut faire, n'est-ce pas? Quand les Juifs se tournaient devant, il y avait un ennemi, l'eau. Quand il s'est tourné à gauche, il y avait un ennemi désert. Il s'est tourné à droite, il y a l'ennemi, les montagnes, Harry. Quand il se tourne derrière, il y a l'ennemi physique, Pharaon. Qui, quand il vient comme ça, ce n'est pas pour donner le lait. Alors maintenant, là, se trouve Dieu en plein là, qui est le solutionneur et dont on ne voit pas. Et donc, ses paramètres, il n'a pas besoin d'expliquer. Vous devez compter à lui jusqu'aux dernières minutes. C'est-à-dire qu'on doit amener le couteau vers toi, que ça descend avec la force là jusqu'à toi. Tu vas toujours croire qu'on doit, ça ne doit pas te toucher. Il ne te dit pas que ne t'inquiète pas, ça ne va pas te couper. Tu dois croire seulement. Alléluia. Vous riez. Alors les Juifs ne connaissaient pas ce qui s'est passé entre Dieu et les Juifs et les ennemis qui se poursuivaient là-bas. Ils faisaient poutou. Dieu change de son côté, du côté de l'ennemi, c'était l'obscurité. Donc l'ennemi voyait qu'il y avait que la nuit est arrivée. Donc comme c'est la nuit, reposons-nous. Le temps que le lendemain, on peut poursuivre les gars là. Il fait seulement, c'est tout simplement comme ça. L'obscurité tombe ici, les gars, ok, comme c'est noir, dormons ici là, attendant que le jour approche. Alors que c'est le jour normalement de l'autre côté. Vous voyez cela? Le temps que ceux-ci s'allongent, ils avancent. Le jour approche, ils voient que, mais comment les gars, si on peut faire, ils n'ont pas les cheveux, comment ils ont fait pour faire ce nombre de kilomètres? Ils ne savaient pas que c'est Dieu qui a fait la nuit là-bas. Mais Dieu ne forme pas ceux-ci qu'il a traité les ennemis là-bas. Mais c'est ses frères. Alors se tiennent donc là-bas devant la mer. Il faut que la solution soit donnée instantanément. Et souvenez-vous, les solutions instantanées de Dieu sont pour des gens qui ont reçu ces vraies formations et connaissent son intimité. Amen. Et le connaissent dans l'intimité. Amen. Si vous n'avez pas cultivé l'intimité avec le Seigneur, ne vous inquiétez pas. Dans des difficultés, vous allez pleurnicher, il ne sera pas là. Quand vous aurez le temps, prenez encore Proverbe chapitre 1, lisez tout attentivement. Tout le Proverbe chapitre 1, et particulièrement à partir du verset 22. Donc, quand vous n'avez pas cultivé l'intimité avec Dieu, le connaître en intimité. Connaître exactement que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il est éternellement. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous lisez que hier était dans la vie comme ça et que aujourd'hui vous avez vécu cette chose-là, vous pouvez croire que demain il sera. Vous voyez, si vous n'avez pas encore expérimenté ça, oubliez. Donc quand quelque chose va t'arriver de façon spontanée, tu ne pourras pas l'invoquer. Même si tu l'invoques, il ne viendra pas. Parce que tu ne connais pas comment le contacter de la bonne manière. C'est pour ça qu'il dit qu'on passe le temps dans la culture. Remarquez bien avec cette culture de l'argent, quand vous sortez, quand vous avez connu comment faire pour avoir de l'argent, vous ne vous battez plus trop. Vous sortez, vous savez comment vous allez faire. Vous voyez, n'est-ce pas? Pour ceux qui partent pêcher le poisson, vous savez que à telle heure, c'est à telle heure que le poisson accoste. Ceux qui pêchent le poisson accoste. Vous allez seulement acheter le poisson. Pas vrai? Parce que vous savez, alors vous pouvez aménager vos programmes en conséquence. Faites la même chose avec le Seigneur comme il l'a recommandé. Alors, ils ont oppressé Moïse, Dieu a dit que. Bon, ils vont me tuer. Qu'est-ce que tu as en main? Il dit, c'est toi. Lève le bâton. Qu'est-ce que lève le bâton avec traverser la mer? Dieu voulait faire une chose au mieux que personne n'a jamais fait. Donc, lorsque nous tournons, nous regardons nos ennemis. nous allons toujours voir les ennemis. Dieu ne veut pas qu'on se concentre sur l'ennemi, mais qu'on se concentre sur lui qui délivre de la détresse. Notez le psaume 103, 104 et 105. Psaume 103, 104 et 105. Psaume 103, 104 et 105. Vous avez noté? On y va. Notez notez Job. Dieu voulant, on va y revenir. Ou bien dans une autre page. Chapitre 36, les versets 5 à 18. Job, chapitre 36, versets 5 à 18. On y va. Notez 1 Corinthiens chapitre 4. Je vais vous donner le verset le moins venu. Vous avez noté? Mm-hmm. Romains chapitre 8, je vais vous donner le verset le moins venu. Les versets le moins venu. Notez 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5. Je vais vous donner le verset le moins venu. 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5. Vous y êtes? Mm-hmm. Romains chapitre 13, le verset 14. On va lire cela avec deux autres passages dans Éphésiens et dans Colossiens. Ils sont de la Bible parce que. Verset 14. Verset 14 seulement, dans le Romains chapitre 13. Il va rapidement parce que je vais tenir pour longtemps. Vous y êtes. Vous y êtes. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Voilà. Donc le moment venu, quand je vais parler, ça va nous orienter là-bas dans ces différents passages que je vous ai donnés là. Vous avez mal continué. Alors, Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 48, verset 8 là, la partie C, que dès le départ, il savait que Israël serait infidèle. Et dès sa naissance, il fut appelé rebelle. Donc Israël est rebelle dès le départ et Dieu connaissait cela avant de le choisir. Et Dieu, il a dit clairement dans le psaume 14 que aucun des rebelles n'habitera auprès de lui. Les rebelles n'habiteront pas, ça veut dire qu'il faut qu'une œuvre soit faite dans leur vie. Comment l'œuvre doit être faite dans leur vie? Comment l'esprit de rébellion qui se trouve à l'intérieur de Dieu va sortir? Dieu donc a les moyens. Dieu n'a pas une classe comme ça, un coup moyen 1 pour esprit de rebelle niveau 1. Non, c'est pas comme ça là. Dieu n'a pas un cours de théologie comme ça, qu'en faisant comme ça là, on sort de la fornication. Non. Les événements de la vie, comme vous ne maîtrisez pas tous les événements de la terre comme ça, ainsi, juste ces événements là, c'est ainsi le nombre d'épreuves. Dieu a une infinie épreuve pour pouvoir nous nettoyer. Donc ici aux Juifs maintenant, les Juifs se trouvent dans le désert. Imaginez les gens que la colonne de feu marchait dans la nuit. Dans la journée, la colonne de nuit. Dieu parlait comme ça, les tonnerres éclataient. N'est-ce pas frère? Mais jusque là, les gens murmuraient. Vous lisez, vous dites, qu'est-ce qui ne fait pas que les Juifs font comme ça? Le Dieu, c'est normal qu'ils font partie, ils sont dès la naissance, ils sont rebelles. C'est un peu comme tu vois un monde, tu dis que non, ne bois plus l'alcool. Comment il ne doit pas boire? Il ne boit pas, il fait quoi? Puisque la Bible a informé que l'homme a quelque chose, tout se trouve pour le vendre. Il mange, il traite son argent, il fait quoi? Quand les monnaies font n'importe quoi, il faut que festivités, s'il n'y a pas l'alcool là-bas avec la nourriture, c'est que tu n'as rien fait. Quand les gens meurent, là, on parle des enterrements, on dit qu'il a bien pleuré son père. Tu penses qu'on a bien pleuré parce qu'on a trop crié? Hein? Non. C'est parce qu'il y a eu assez de bière. On dit que là-bas, il y avait même, vous savez, la catégorie, on ouvre plutôt sa coule là, on appelle ça quoi? La pression. Voilà, qu'il y avait la pression. On dit que le type là, non. Le type là a pleuré bien son père. Il a bien pleuré son père, donc il a donné le bien à pression. C'est ce qu'on dit. Pas qu'il a trop lamenté. Et la personne qui a donné ça, peut-être n'a même pas coulé les larmes. Mais on dit qu'il a bien pleuré son père. Donc bien pleurer son père, c'est bien fait que les gens mangent. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour le vendre. Ils ne sont pas satisfaits, dit la Bible. Et par conséquent, un mondain ne sera toujours insatisfait. Il sera toujours insatisfait parce qu'il va faire tout pour son ventre et il n'aura pas satisfaction. Parce qu'en réalité, c'est Christ Jésus qui est la satisfaction. Parce que le problème se trouve dans l'âme. Une âme rachetée, enveloppée, enchaînée dans le Saint-Esprit est une âme en repos. C'est ça. Une âme rachetée, enveloppée par le Saint-Esprit, c'est une âme en repos. Tu es arrivé au lieu de repos. Autrement dit, tu es arrivé au niveau de où tu ne cours plus vers les passions de la chair, où les désirs pernicieux qui font la guerre à l'âme n'exercent plus sur toi. Parce que tu es emprisonné vers l'infini. Tu es entré dans le lieu infini et emprisonné dans l'infini. Celui dont ses passions et ses désirs, maintenant, c'est servir le Seigneur Christ Jésus. Vous savez, moi, maintenant, les Juifs vont se retrouver dans le désert. Dieu va donc voilà, utiliser maintenant les moyens qu'il a disposés pour lui. Pour pouvoir traiter, pour que l'esprit de rébellion les quitte. et les 40 années que Dieu a prévues vont montrer clairement que Dieu avait raison. Ils disent, ah, nous voulons manger la viande, nous sommes les misérables, c'est misérable. Ils appellent ça misérable nourriture, ils appellent la manne misérable. Dieu a dit à Moïse que va leur dire, dans ce livre de Nombres chapitre 11, va leur dire que, ok, quand ils ont demandé la viande, ils auront la viande non pas pour un jour, pas pour 10, pas pour 20, pour 30. Même Moïse lui-même a tremblé là-bas. Moïse a regardé à l'horizon comme ça, la guetté comme ça, guetté. Il dit que, pardon, tu dis, sois les prophéties, c'est bien. Ne me fais pas annoncer quelque chose, mais la petite, tu connais bien ces gars-là. Ils vont mettre la pierre pour eux, ne partent pas loin. Quand tu dis quelque chose, ça ne les arrête pas en voyant comme ça qu'ils ont appris la pierre. Et Dieu sait qu'ils sont comme ça. Même Jésus lui-même a su. Il connaissait. Vous avez lu Luc, non? Quand il est entré au temple, il a ouvert la bouche, comme ça, il lit ces bêtises-là, il lit. Il dit que oui, ces paroles que tu as fait. On a pris sur le temple là-bas, que balance ta maman là ici. Là. Tu as apporté le plan, ça t'a dépassé. Tu viens dire que cette parole-là est comprise. On devait le pousser en bas. La Bible, quand quelque personne veut la détailler, qui ne détaille pas, il voit les juifs, vous ne connaissez pas bien. Si Dieu lui-même vient dans la chair, il le tape, il tue. Imaginez qu'il vient bavarder là-bas, la nourriture. Donc, parce que Moïse sait qu'il est là-bas à des chairs. Que Dieu, rassure-moi toi-même d'abord que je parle de 30 jours, ils auront nourriture pour 30 jours. S'ils sont 29, ils m'ont dit que tu avais dit 30. Donc, ils ont intérêt à manger. Si Moïse vient là, il dit que vous aurez une nourriture pour 30 jours, ils vont manger, compter. Si ça fait 29, ils vont se regrouper que Moïse a dit c'était combien de jours là. Pourquoi le 31 juillet, il n'y a pas la nourriture, la viande. Les juifs, c'est eux là maintenant. Alors Moïse a discuté avec Dieu que, pardon, dire que, qu'il ne faut pas que tu dises comme ça, que, oh, il dit à Dieu que, mais où est-ce qu'on va prendre la nourriture pour 30 jours? Je n'ai pas encore toléré que peut-être un bébé peut sortir là-bas dans le désert, on tient pour 2 jours. Il dit pour tout ce peuple, c'est près de 2 millions de personnes mangent la viande chaque jour pendant 30 jours entiers. Sans travailler. Il reste comme ça, la viande vient de trouver. Dieu dit à Moïse qu'il y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu, qui soit difficile pour Dieu pour faire. Souvenez-vous de cette phrase. Y a-t-il quelque chose? Allons dans le livre du Nombre là-bas. Nombre. Rentrons, vous allez en Deutéronome là. Rentrons dans le Nombre de Dieu. On voit cette chose avec Dieu. Chapitre 11 de Nombre. On y va. Lisons à partir du verset 2. On y va. Je crois que le verset 1, qu'est-ce que le verset 1 dit du chapitre 11 là? Regardez, verset 1, lisons à partir du verset 1. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Remarquez encore ça. C'est un problème ici. Le peuple qui a murmuré, c'est le peuple que Dieu connaît dès le départ qui serait infidèle. Donc même Dieu lui-même, ça énerve à un moment donné. Pourtant, c'est lui qui les a choisis. Pourtant, avant de les choisir, il savait qu'il devait être rebelle. On dit que sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Vous avez vu la personne à qui on a servi là? Ok, continuons. On donna à ce lieu le nom de Tabera parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Maintenant, verset 4. Voilà, regarde bien. Ils ont murmuré contre Moïse, n'est-ce pas? Contre Dieu. Dieu a fait de l'autre côté là-bas. Moïse. Moïse allait venir dire pardon. Dieu a arrêté le feu, pas vrai? Suivons le verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Soulignez, fut saisi de convoitise. Vous êtes là? Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Vous avez vu ça, frère? Non, on parle d'Israël là. Qui nous donnera de la viande à manger? Vous avez vu là, c'est l'interrogation, non? Ils sont devant Dieu là, devant Moïse, depuis ils mangent bien. Et tout à l'heure, quand le feu s'est brûlé, il a demandé à Moïse d'aller prier. Ils savent que Dieu est là et Dieu exauce. Mais il pose la question, qui nous donnera de la viande à manger? Vous voyez ça, frère? Ah, mon Dieu. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Et qui ne nous coûtait rien. Donc même quand elle chicotait le dos, ils disent que ça ne nous coûtait rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des morts et des ors. Vous voyez, vous voyez ce que l'être humain peut être réduit, non? Donc tout c'est pour son ventre. Ici, vous avez vu quelqu'un a posé la question à Moïse, c'est que on va adorer Dieu. Comment faire pour adorer Dieu? Non. Il cherche quoi à satisfaire le ventre. Qui nous donnera de la viande à manger? Et on va rentrer dans Deutéronome chapitre 8 là pour vous comprendre le pourquoi Dieu faisait tout cela. Il dit verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Vous avez vu, non? Donc le problème se trouve où? à l'intérieur de l'âme. Donc, il veut dire, notre âme est déçue, on dit que notre désir n'est pas satisfait. Nous avons lu ça dans l'Éclairage, chapitre 6, verset 7 aujourd'hui, pas vrai? Maintenant, regardez. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Vous avez vu les juifs là? C'est quand même terrible. 7. Maintenant, regardez bien. Quand ils disent nos yeux ne voient que de la manne, puis le Saint-Esprit fait une pause de l'œuf de ce qu'ils sont en train de dire. Le Saint-Esprit nous fait concentrer sur ce que c'est que la manne. Ils disent nos yeux ne voient que la manne. Si on continue à leur développement, vous allez dire que la manne c'est quoi? Le Saint-Esprit met une pause sur leur objection pour pouvoir expliquer ce que c'est que la manne. Puis il dit la manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du légume. Donc ce n'est pas une nourriture terrestre. On a de vouloir approcher que ça s'approche à telle chose. Si on veut comparer cela, ça ne sera pas à telle ou telle chose. Regardez. Maintenant, on revient maintenant sur le peuple. Le peuple s'est dispersé pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à huile. Donc Dieu a donné quelque chose. Quand tu fais brrr, tu mets au feu, c'est complet. Et la Bible appelle ça la nourriture des grands que tes pères n'ont point connu. On dit la nourriture des grands. Souvenez-vous cela. Je veux que vous gardez cela à l'esprit. Nourriture des grands. C'est Dieu qui dit dans la Bible qu'il t'a fait manger la nourriture des grands. Il ne parle pas des grands de la terre. Ça sortait d'où là, frère? Ah, mon Père qui est dans les cieux. Verset 9. Ah, vous pouvez savoir cette nourriture-là. Verset 9. Il me semble bien là maintenant. Verset 9. Quand la rosée descendait la nuit sur le champ, la manne y descendait aussi. C'est quand même terrible. La nuit. Si tu lèves le matin, tu trouves la nourriture là-bas. Alors les êtres humains pour te dire, croise tes bras là-bas, tu vas voir si Dieu va descendre du ciel. Et on dit même en ce terme la manne, on dit que si la manne va descendre du ciel. Il a fait descendre une fois. Non. Vraiment, hein? Vous avez dit quoi, Islam dit non? Pas une seule fois. Donc si Dieu a fait descendre la manne une fois, il peut encore faire descendre. S'il a donné, quand vous voyez le pain, pendant la Bible déclare dans le livre de Dieu, là-bas que quand il y avait la sécheresse sur la terre pendant 3 ans et demi, il était couché là-bas dans le désert. Vous savez qui lui faisait la nourriture? Oh. On fait la nourriture, on a fait fruit la viande avec le pain, c'est le corbeau qui venait de nuit. Il est couché là, ses yeux tournés, ça, il entend. C'est le paranoïa. Les blancs disaient que c'est le paranoïa. Lève-toi, mange. Il se tourne là, il voit le pain cuit. Oh, qui lui a fait le pain cuit avec la viande? Les oiseaux ont une mamie quelque part. Les oiseaux sont les boulangers oiseaux. Alors la question c'est que ça sortait d'où? Dieu nourrit son serviteur ainsi. Dieu nourrit ses serviteurs ainsi. Pas vrai? Ok. Donc, souvenez-vous, ce que Dieu a fait, ce n'est que les prémices de ce qu'il peut faire. Continuons ici. Donc, suivant les peuples juifs qui sont rebelles. Maintenant, verset 9, verset 10 maintenant. Moïse entendit le peuple. On revient sur le peuple, n'est-ce pas? Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille. Donc, c'était un deuil national de la nourriture. Une deuil nationale de la nourriture. On est chacun dans sa famille pleurer. Chaque jour que vous allez à la maison, quand c'est venu le soir, on les partage. Ils sont censés partager la parole de Dieu le soir avec les enfants. Il dit que toi-même, tu as mangé quoi aujourd'hui? La manne. Manne, matin, manne, soir. Nourriture. Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille. Et à l'entrée de Satan, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Vous avez vu ça? Il pleure à cause de quoi? La nourriture. Ça fait que Dieu se fâche. Verset 11. Moïse fut attristé et lui dit. Et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Ou prendrais-je de la viande pour donner à tout le peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Souvenez-vous, quand Dieu a demandé à Moïse d'aller chercher le peuple en Égypte, il n'aura pas dit que va les chercher pour qu'ils viennent manger ici. Il a dit va les chercher afin qu'ils viennent me servir. C'est ça? C'est pas ça. Quand il a la parole, il dit que ainsi parle l'Éternel. Laisse partir mon peuple afin qu'il puisse m'adorer. Pas vrai? Voilà ce qu'il a dit. Voilà le programme de Dieu. Dans le programme, eux, c'est le ventre. Moïse a dit à Dieu que je vais prendre la viande d'en haut. Il dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je t'ai pris, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc, Moïse a compris que c'est mieux ici de mourir. se trouver grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je la mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge, comme tu as dit, la charge du peuple, comme tu la pèses là. Et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain. Et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte des narines, par les narines, et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Vous avez vu ça? Vous avez vu quelque part un verset où les Juifs ont dit que nous rejetons l'Éternel? Je vous ai dit chaque fois, rejeter Dieu tout simplement, mettre Dieu à l'écart en pensant à autre chose, une façon de faire pour s'en sortir, c'est vous venez le mettre à l'écart. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis de l'Égypte? Vous voyez cela? Quand vous lisez cela, vous ne transportez pas dans nos vies chrétiennes en disant que pourquoi je suis même devenu chrétien aujourd'hui? Pourquoi je suis devenu chrétien? S'il faut être chrétien pour souffrir comme ça, vous faites comme ça, vous vous trouvez dans la même position de punition que les Juifs. Moïse dit, 600 000 hommes de pieds forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront en un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Même Moïse ne savait pas comment la solution devait venir. Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait trop courte. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Vous avez vu? Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assemblait 70 années, d'accord? Alors, quand ils vont finir de manger, vous continuez l'histoire. Quand ils vont manger, la viande sera dans la bouche, Dieu va les frapper. Alors, ils ont mangé la viande effectivement pendant un mois entier. Mais la chose c'est, est-ce que derrière le matériel, l'homme comprend le plan de Dieu? C'est ça qui est saisi, le plan de Dieu. Et pour saisir son plan, c'est ce qu'il a dit dans ses proverbes que nous avons lu aujourd'hui, de venir à lui, parce que c'est de sa bouche que sort de la sagesse. Il dit que ça va venir dans notre cœur. Donc Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour manger. Non. Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour avoir les grosses maisons. Que non. Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour avoir les grosses voitures. Non. Pour avoir de la notoriété sur la terre. Que non. Dieu nous a mis sur la terre pour que nous accomplissions son destin. Et ça commence par la relation intime avec lui. La connaissance de la personne qui t'a envoyé. Me suivez, frères et sœurs. Rentrons dans Deutéronome chapitre 8. Et concluons là-bas. Rentrons dans Deutéronome chapitre 8. Nous sommes arrêtés au verset 2 où il a dit, souvenez-vous. Non, ici c'est Moïse qui a donné un récapitulatif à ces juifs-là, le même juif que nous avons vu. Et à un moment donné, donc, il va faire une pause pour les faire les souvenirs. Et les juifs étaient champions, hein, comme nous, tous les êtres humains. Quand tu vois quelqu'un qui est malade, vous avez même parmi les chrétiens, quand il est malade, tu dis, frère, tu crois? Il dit, oui, je crois. Tu le regardes comme ça, tu dis, tu crois vraiment? Hein? Oui. Les juifs, quand Moïse va mourir, c'est Josué qui va le prendre. Josué va regarder comme ça, oh mon Dieu, chaque fois qu'il tourne, il voit ce regard-là. Quand il s'est tourné, il a regardé au regard. Quand il a vu devant lui, il a vu ce qui arrivait au peuple, il a dit, waouh. Il s'est tourné, il a dit, comment il va faire pour résoudre cela? Il a dit, maintenant, vrai, vous devez faire votre choix. Si vous entrez là où je vois là devant, à partir de aujourd'hui, choisissez qui vous devez servir dans ce livre de Josué chapitre 24. Choisissez aujourd'hui qui vous devez choisir, vous devez servir. Soit vos dieux, que les dieux d'Égypte, que vos pères ont choisi l'Égypte. Si vous voulez servir aujourd'hui, faites votre choix aujourd'hui. Car si vous entrez dans ces pays-là, vous faites ces choses-là, le Seigneur, après vous avoir fait du bien, reviendra vous faire du mal. C'est ce qu'il a dit Josué, le prophète. Les gens vont dire carré de Josué, on se dit que peut-être c'est le Père ici-là, peut-être c'est le désir qu'il a fait, des règles, qui peut désobéir à Dieu ici dehors. Il dit, ah, Josué, il dit, ah, non, nous allons servir Dieu. Il regardait devant ce qui arrive, parce que le prophète avait là prophétisé, en cantique, si vous lisez ce Deutéronome chapitre 31-32. Dieu leur a donné le complexe sous forme de cantique qui chante parce que dans la suite des temps, c'est ce qui devait arriver. Ils ont chanté ça chaque jour dans les chansons en mangeant. Mais le prophète se tient là-bas pour vous dire encore ce qui va arriver. Il dit non, qui? Loin de nous la pensée d'oublier l'Éternel. Qui? Nous? Moïse, nous sommes le peuple. peuple de Dieu. Et Dieu dit dans Ésaïe qu'ils invoquent pas dans la droiture. Donc il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait passer, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Vous avez souligné, humilier pour éprouver, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, voici le mot donc qui choque. Il dit, Dieu les a fait faire ces chemins pendant ces 40 années, afin de les humilier et les éprouver. Puis il dit, maintenant il y a deux mots là-bas. Après cela, il dit, pour savoir. Regardez-moi bien attentivement. On dit qu'il fait passer les jeux pendant 40 années. On dit qu'il le fait comme ça afin de les humilier et les éprouver pour savoir. Pourtant, vous avez décidé au départ que Dieu, avant de faire quelque chose, connaît la fin d'une chose, il connaît tout ce qui se passe. Hein? Mais on dit qu'il fait comme ça pour savoir. Vous voyez cela, frères et sœurs? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc on a comme impression ici que Dieu les a fait éprouver dans le désert que fais les marcher un peu par là-bas derrière les montagnes, voit, ils marchent. Donne un peu tes commandements. Ils ont éboué, non. Donne pas éboué mon commandement. On a comme impression que c'est comme ça ne se passe pas, vrai. Mais Dieu veut faire quelque chose. Souvenez-vous de Ézéchiel chapitre 36, vous lisez le verset 25-26. Lorsqu'il a dit qu'il va enlever le cœur des pierres qui se trouvent à l'intérieur, le cœur des chairs. Vous comprenez ça, hein? Le monde vient, il va les nettoyer d'une au plus. Il va les faire maintenant, à faire habiter son esprit en eux pour faire obéir à ses lois. Pas vrai? Alors la question c'est, qui a mis le cœur des pierres? L'homme chrétien, son propre cœur? Okay. On continue ici. Il dit que Dieu dit qu'il pouvait faire comme ça pour connaître la disposition de son cœur, pour savoir s'il garderait son alliance ou son commandement ou pas. Maintenant, verset 13, verset 3 dit, il t'a humilié. Il est mis pour Dieu, hein? Chaque fois, gardez cela à l'esprit. Il t'a humilié. Donc Dieu humilie les gens. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de faim. Soulignez ça. Non, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ok, reste à la maison. Comment la notice ça vient? Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de faim. Vous avez vu ça? On a dit que c'est Dieu qui l'a fait. Il t'a fait souffrir de faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères afin de t'apprendre. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, derrière l'humiliation de Dieu, derrière les épreuves de Dieu, se trouvent les enseignements. Ce n'est pas. Dieu n'est pas tout simplement en disant qu'il faut qu'aujourd'hui ne mange pas, le traiter. Non. Il y a quelque chose qu'il a de vouloir faire ressortir de là-bas. Qu'est-ce qu'il veut faire ressortir chez les Juifs, mes chers amis? Il veut leur faire comprendre que votre vie ne dépend pas de ce qui va entrer dans votre bouche, mais de ce qui va sortir de ma bouche. C'est le résumé du cours de l'université de Dieu dans le désert là-bas pendant 40 années. Voilà l'épreuve qu'il fallait être agrégé. Voilà ça. En comprenant cela, les Juifs avaient le doctorat dans la compréhension des choses de Dieu. Dieu voulait faire comprendre que ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche qui est important. C'est ce qui sort de ma bouche qui est important. Vous devez vous en tenir à cela. C'est ça l'épreuve. Dieu voulait leur faire apprendre cela. D'accord? Maintenant, si Dieu veut le faire apprendre cela par les livres, en disant que crois au Seigneur, tout ce qu'il dit, il faut croire, la réponse est claire. Tu vas dire oui, puisque c'est le Seigneur. Mais c'est dans l'épreuve, parce que c'est pour ça qu'il y a la phase orale, il y a la phase pratique. C'est à la phase pratique qu'on voit si les formules qu'on a données sur la phase théorique sont justes. Me suivez, frère? Vous me suivez, mes chers? Donc Dieu n'a pas une salle où on embrigade les gens pour les former sur la souffrance. Il te met dans le territoire. Il destine la durée. Il destine le style d'épreuve. Il destine les gens qui vont te faire du mal. Vous êtes ce qui est sorti là? Il destine les gens qui vont te faire du mal. Alors tu es sur la tête, quand tu dois comme ça, tu dis que Seigneur m'a fait trop de mal, je vais le montrer. Vous savez ce qu'il dit? Un jour, tu ouvres la Bible, ça tombe. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Pour dire, ce n'est pas contre lui que vous avez lutté. Vous voyez? Je viens dire, Somme chapitre 105. J'ai dit tout à l'heure que c'était le dernier. Bon, Somme 107. Ben, je vais vous donner ça aujourd'hui là. Somme 107. Vous allez lire aujourd'hui, c'est pas vrai? Psaume 105. Quand vous avez le temps, lisez rapidement. Quand vous avez le temps, lisez à partir du verset 1. Mais allons-y rapidement, le verset. Le verset 12, rapidement là. Somme 100, il veut la partie du verset 12 pour aller toucher ce verset. Regardez très attentivement. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. On parle ici, c'est pour les enfants d'Abraham encore une fois de plus, n'est-ce pas? Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre. Donc les gens qui ne savaient pas Dieu avaient leur nation fixe. Ceux qui servaient Dieu mangeaient ça et là, pas vrai? Et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Vous voyez? Et il châtia des rois à cause d'eux. Les rois qui ont le pays fixe. Les peuples de Dieu passaient partout là-bas. Vous voyez ça dans Genèse où Abraham est arrivé chez Abimelech, ainsi de suite, à Guéra et au-delà. Pas vrai? Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous voyez cela? On parle d'Israël là maintenant. Maintenant, si ça aujourd'hui n'est pas comment. Mais dans verset 16, il appela sur le pays la famine. On dit, il c'est Dieu. Il appela sur le pays la famine. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph où il a dit, montrer le songe à Pharaon. Et il a donné l'interprétation à Joseph que ceci c'est la famine. Ça montre qu'il y a une famine qui en est devenue. Et comme tu as vu cela deux fois, ça dit que c'est arrêté devant Dieu. Donc Dieu aussi décide sur la terre qu'il y aura une famine de 7 ans sur la terre. Qu'est-ce qu'il a de vouloir faire? Souvenons-nous, nous voulons parler de la compréhension derrière la compréhension de la des voix de Dieu derrière les épreuves. S'il n'y a pas la compréhension derrière les épreuves, nous allons continuer à murmurer. Pourtant, Dieu nous a mis tout cela dans la Bible pour qu'on ne murmurons plus. Pour qu'en regardant cela, nous comprenons, on ne murmure plus. D'accord? Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il y a des pays aujourd'hui où Dieu ferme le ciel et ne tombe pas de pluie. On invoque, au lieu de crier à Dieu, on invoque plutôt les marabouts qui viennent faire les sacrifices. On dit que c'est, l'autre vient dire que c'est parce que les dieux des rivières sont fâchés. On dit qu'il coupa tout moyen de subsistance. Vous voyez? Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu par ses frères. Vous avez l'impression que Dieu envoie quelqu'un, non? Il n'est pas allé avec le tapis rouge, non. On l'a plutôt vendu. Le gars a crié, crié, ne faites pas ça, ne faites pas cela. Mais il ne savait pas qu'on l'envoie comme ça dans la destinée. Amen. Oh mon Dieu. On serra ses pieds dans les liens. Dans des liens, on le mit au fer. Écoutez bien, verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Donc Dieu a éprouvé même Joseph lui aussi. Vous avez vu cela? Le roi fit ôter ses liens. Dans le moment avait, le plan de Dieu devait accomplir. Et il, le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses preuves et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Écoutez maintenant. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays des Cham. Écoutez verset 24. Il rendit, il aimait pour Dieu. Il rendit son peuple très fécond. Donc, quand tu ne voulais pas, tu pars avec ta femme, trois enfants entrent. On dit qu'il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Donc, même les enfants qui naissaient, quand tu vois une femme, tu dis, oh, je vais t'épouser là, c'était le plan de Dieu. Parce qu'il avait tout arrangé. On dit que c'est Dieu qui avait rendu les gens fécond. Ah. On y va, verset 25, c'est là où je vais m'arrêter. Il changea leur cœur, il aimait pour Dieu. Il changea le cœur au point qu'il haït son peuple. La personne qu'on dit il ici, c'est le monsieur qu'on dit son. Donc Dieu a changé le cœur des Égyptiens pour qu'il ait le cœur, le peuple juif. C'est ce qui est écrit là, verset 25. Vous avez vu cela? Il changea leur cœur. Donc Dieu a décidé de changer le cœur du peuple égyptien pour qu'ils aient une autre pensée. Comme la catégorie, les gars, c'est pour ça que vous allez voir le décret qui est dans Exode chapitre 2. Où on commence à dire maintenant que mince, la façon que les gars se multiplient, alors ils vont sortir un décret pour limiter les grossesses, pour limiter la naissance des hommes. Ne sachant pas que c'est Dieu qui a fait ça par derrière. Pourquoi il le fait? Puis on dit, il changea leur cœur au point où qu'il haït son peuple et qu'il traitait ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Qu'est-ce que Dieu a de faire? Dieu a un plan qu'il a de dérouler. Vous avez vu cela? Donc, la haine contre les Juifs qui s'est passée sous Égypte, la Bible dit que c'est Dieu qui a tourné le cœur des gens. Quand on comprend ces petites choses de la Bible, on devient plus petit que les fourmis. Vous y êtes? Vous y êtes, Michel? Ok. Nous nous inquiétons sur la terre. Nous nous inquiétons sur la terre. Chacun cherche pour manger. Quand le moustique sort, il vient vers nous ici. C'est pour faire quoi? Manger. Quand la mouche sort, elle va n'importe où. C'est pour faire quoi? Manger. Quand on voit un chien court, ils entrent vers là, il y a la poubelle. C'est pour faire quoi? Manger. Quand quelqu'un qui a le corbillard ouvre un endroit pour avoir le corbillard, c'est pour faire quoi? Manger. Intéressons-nous sur peut-être 3 ou 4 de ces emplois-là. On va s'intéresser sur les médecins, les avocats, les policiers et les morguiers. Bien, ceux qui font les morguiers dans le monde. Quand un avocat dit qu'il n'a pas le travail, il veut dire quoi? Quand un avocat dit que son travail est dû, il ne voit pas le client, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'a pas l'argent. Non, ça c'est la conséquence. Quand un avocat est censé faire quoi? Défendre les gens qui ont l'air. Donc ça veut dire si les gens n'ont pas de problème, un avocat cesse d'exister. Par conséquent, tout son coup qu'il a fait, toute sa conscience qu'il a fait, ça ne lui sert de rien. Quand ce monsieur s'il va aller dans les endroits pentecôtistes où on prie pour dire que ton travail vient, Dieu te donne un nouveau travail, il te remplit de ton travail, il veut par là dire quoi? On a de prier que les gens aient des problèmes. Pour que celui-ci ait le travail, bien. Pas vrai, frère? Intéressons-nous aux policiers. Quand le policier est là-bas, il y a la cellule derrière lui. S'il y a personne en cellule, il garde quelqu'un. Quand lui prie pour qu'il ait le travail, qu'est-ce que lui dit? Les gens vont. Quand on l'est. On les enfin. Intéressons nos docteurs. Quand le docteur il va faire les spécialités au de là-bas, il attend qui là. Quand il porte le blanc, il attend qui dans son bureau. Quand il brûle dur, il ouvre sa clinique. Il achète les appareils. Il dépense des millions pour opérer des nerfs, des yeux, les dents et au de là-bas maintenant. Si chacun suit bien et que chacun est en forme avec Dieu, il n'y a pas de malade. Qu'est-ce qu'il fera de toutes ses études et tous ses appareils qu'il a dépensés? Et par conséquent, quand il prie à Dieu que Seigneur donne-moi le travail, qu'est-ce qu'il fait? Que les gens soient malades. Quand les gens sont malades, maintenant il est content. Il dit maintenant que le travail c'est bien passé, ce n'est pas vrai. Donc il y a des gens qui prient pour vos malheurs sans que vous vous en rendez compte. Donc il y a des gens qui prient pour vos malheurs sans que vous vous en rendez compte. Vous savez, ça pas vrai? Prenons maintenant le plus grave de tout cela, ce sont les croque-morts. Ceux-là que les corbillards. Vous avez remarqué que le vélocité à la cantine là-bas, avant de tourner par la cantine, ils sont pleins là-bas, non? Quand vous passez avec le malade là-bas, rapidement, vous passez là-bas. Quand il vous voit en route comme ça, quand il vous voit passer avec le malade en urgence pour aller à l'hôpital, qu'est-ce qu'il prie? C'est ça? Il y a des gens qui veulent votre mort. Donc, dans la vie, donc, les gens que vous avez à côté de vous, qui travaillent à côté de vous, en réalité, indirectement, ils souhaitent même votre mort, vous n'en vous en rendez pas compte. C'est ce que Dieu a dit, qu'ils prennent des chemins détournés, des chemins ténébreux. Voilà pourquoi donc, il faut se retourner vers le Seigneur. Pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu a destiné le peuple juif comme modèle sur la terre pour montrer ses jugements et ses préceptes. Il dit dans ce Deutéronome chapitre 8, il dit que Dieu t'a fait passer par ce chemin-là durant ce moment-là afin de t'émuler, de te prouver, pour connaître la disposition de ton cœur pour savoir si tu obéirais ou non à son alliance. Il dit Dieu t'a fait cela, le verset suivant dit, afin que tu saches que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez moi? Dans cette première partie, nous allons faire une dernière ou une conclusion partielle. D'accord? Allons dans Malachie chapitre 3. Concluons là-bas rapidement. On va revenir la prochaine fois pour la suite de cela. Malachie, le prophète Malachie chapitre 3. Ou bien. Je vais prendre chapitre 3 comme ça, chacun court rapidement. Dis quoi que c'est le dîme qu'on va parler là maintenant. Malachie chapitre 3, il ne parle pas de dîme, c'est pas ça. On y va. Lisons verset 3, 13, regardez, suivez attentivement. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Donc Dieu dit que les gens sur la terre ont des paroles dures contre lui. Vous avez suivi ça? Il dit, ici dans Malachie chapitre 3, verset 13 et suivant. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Donc, faisons attention à la façon qu'on comprend les choses de Dieu. Vous pouvez être là, vous croyez que vous êtes en règle avec Dieu. Dieu, lui, il y a aussi, donne autre sentence. Et vous n'avez pas besoin de dire sur la tête que oh, je ne veux plus servir Dieu pour que Dieu dise que vous avez dit que vous ne pouvez plus servir. vos gestes, vos paroles sur la terre peuvent être dites par Dieu autrement. Regardez ici. Et vous avez dit, verset 14, vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Vous avez vu ça? Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Souvenez-vous de ce mot préceptes que nous sommes de voir depuis. Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les auteurs. Oui, les méchants prospèrent. Donc, Dieu dit que quand vous dites ces choses-là, vos paroles sont rudes contre lui. Il dit, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Regardez, verset 16 dit, alors, ceux qui craignent l'Éternel, on parle des chrétiens ici, des gens qui craignent Dieu, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Donc, c'est peut-être maman Adokas et Lydie qui sortaient de leur lieu de culte. Il dit que maman, c'est fort, c'est peut-être en sortant comme ça qu'elle sort comme ça, il pleut comme ça, même pas le parapluie. Un monnaie qui sort de bonne, il passe avec le parapluie, vroom, il piétine l'eau, le verse sur eux. Pendant que les mondains regardent dans la vitre fumée, regardent que ceux-ci, ils sortent là, ils passent la nuit de prière. Regarde-moi comment ils sont. Regarde, la joie est à tout entrer. Eux, ils sont chargés d'un bon point. Tu demandes même les gens dans la salle, pardon, complètement 5 ans. Parce que tu ne veux pas demander 200 entièrement. Tu demandes 5 ans et 5 ans par là pour trouver l'intention pour rentrer. Le mondain, lui, comme ça, il a 200 000 francs qu'il part dépenser pour une soirée. Lui, il ne sait pas Dieu. Toi, il passe la nuit dans les joies et des dépenses mondaines. Toi, tu passes la nuit dans le jeûne et la prière. Tu n'es même pas sûr que le lendemain, tu vas manger. Mais Dieu dit que tu es rude contre lui en disant que le mondain prospère. Les hôtels, ils tentent Dieu et ils s'échappent. Il dit que nous savons à quoi que nous craignons Dieu, nous qui servons Dieu, nous sommes méprisés. Regardez bien. Maintenant, nous estimons heureux les hôtels. Verset 15. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils s'échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ouais, c'est une conversation que les gens faisaient. Mais Dieu écoutait en haut. Donc, faites attention quand vous marchez, vous parlez. Faites attention à ce que vous parlez sur votre cœur. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Je suis sa frère. Puis il dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. D'accord? Puis il dit ici, voilà. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, que tu l'admets ou non, ce n'est pas ta condition présente qui va déterminer si oui ou non tu sers Dieu. Dieu dit qu'il y a un livre de souvenirs de lui, on va voir la différence. Souvenez-nous de ce que de, là au Proverbe chapitre 2 est fini. On a vu clairement que les justes auront pour le pays pour possession et les méchants seront retranchés. C'est ça, frère? Nous sommes d'accord. Donc, Dieu veut qu'on revienne à lui, qu'on comprenne les choses qui se cachent derrière les souffrances et les épreuves qui passent dans nos vies pour pouvoir comprendre ses voies, ses préceptes. Me suivez, n'est-ce pas, frère? Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse.